Bonjour. Baissons la tête, maintenant prions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Ben, nous te sommes reconnaissants pour tes grâces, pour tes bontés dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu connais nos cœurs, tu connais notre âme, tu connais nos désirs et tu connais toutes choses de nous bien avant la fondation du monde. Bien plus, tu l'avais semé en nous et tu as disposé ces jours-ci. Et tu savais que nous serions réunis ici en ce jour pour te glorifier. Je prie Dieu de gloire que tu rencontres chaque personne dans son besoin. Tu connais chaque besoin ici, tu connais chaque souci, chaque angoisse du cœur, chaque interrogation, tu les connais. Je te les soumets entre tes mains, Père, je te les recommande entre tes mains. Je prie, Père de gloire, que tu bénisses tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez bien vous asseoir maintenant, on partage, on cause. Je crois que ce serait mieux. Oui, on enlève là, on cause. Faites cela doucement, même si vous allez vous asseoir, faites ça doucement et veuillez commencer. Je crois que, si, à moins que vous soyez bizarre, vous devez normalement, en voyant cela, avoir des questions. Vous devez avoir des questions. Si vous n'avez pas de questions, c'est que vous avez des problèmes. Je vous le dis. Si vous n'avez pas de questions, en suivant ça, si vous n'avez pas de questions, c'est que vous avez des problèmes. Ceci, c'est pour vous montrer que l'Église est en danger. Nous sommes en danger. Vous êtes en danger. C'est pour cela, le but pour lequel je voulais que vous mettez... Il y en a près de 30 ou 40 là-bas. Je voudrais que vous suiviez cela. Ma soeur là, ça va? Tu vois, tu as bien dormi, n'est-ce pas? Vous savez, hier, quand il était ici, il lui dit, il y a le poison à l'intérieur. Vous savez, quand on prie pour les gens, tout le monde, ils pensent qu'ils vont toujours tomber de la même façon, que chacun va tomber de la même façon. Elle s'attendait à ce qu'elle-même tombe. Donc, pendant qu'elle pensait qu'il faut à tout moment je tombe, il y a notre soeur là. L'autre soeur-ci aussi, elle-même a peur. Ou elle a celle-ci. Celle-ci a peur que ce qui arrive aujourd'hui là, je ne veux pas que ça m'arrive. Maintenant, ça a fait, boum, c'est sorti. Vous savez ce qui se passe? Dehors me demande que, frère, tu as dit qu'il y avait quelque chose dans mon ventre, c'est parti. Je dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé quand on priait? Elle dit qu'il y a une douleur, après, pape, c'est parti. Il dit, est-ce que tu veux que ça revienne? Elle dit, non, que ça ne revienne plus. Il y a un autre garçon là, il est au celui de lui dont je parlais des autres. Le voici aussi. J'ai vu, vous avez remarqué, quand on a commencé à prier ici, Jésus est venu, il tape son ventre. Le Saint-Esprit dit, tape sur son ventre. Parce qu'il y a les douleurs là-bas. Lève-toi, mon cher, lève-toi, tu nous dis. Écoutez très attentivement, si, voici mon frère, si je le salue comme ça. Il dit bonjour. Ça, c'est de homme à homme. Mais si c'est lui qui conduit, c'est une autre chose. Si c'est lui qui conduit. Vous avez vu ce garçon-là, c'est comme ça. On l'a touché deux fois. Et puis, il était au sol. Parce qu'il y a quelqu'un de contraint dedans. Vous voyez, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait dans ton... Qu'est-ce que tu vivais? J'ai les maux de ventre. Tu as pris le remède, ça résout le problème. Il y a tant de comprimés à l'usine. C'est sur tout. C'est terminé. Amen. Vous voyez? Donc, voici le problème. Lorsqu'on prie, vous voyez, le Saint-Esprit dirige vers quelqu'un et touche. Vous avez comme impression que c'est pour rien. D'autres personnes, quand on touche comme ça, ils veulent dire, j'aurais souhaité vraiment prendre le temps pour parler de ces choses-ci. Ils veulent que quand on touche, son corps fait comme ça là. Pour qu'ils sentent qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est pas comme ça. Il y a des choses qui sont mises là-bas contre lesquelles vous luttez. D'autres, c'est quand vous touchez comme ça là. Quand vous partez, c'est là, ça. Ça veut dire que désormais, maintenant, le ciel est contre ce qu'il y a là. Ça veut dire que c'est entre lui maintenant et le ciel. Le problème maintenant, ce sera de toucher. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, je vais vous expliquer beaucoup de choses maintenant, à partir de ceci. Si vous entendez quelqu'un parler comme ça, vous dites que c'est le... C'est le Saint-Esprit. Dans l'église, on dit qu'il est quoi? Prophète. Vous allez le consulter. Vous dites que mon frère, par un consul, pour moi, il dit, chaka, ya, ya, ya, ya, ya. Vous acceptez ces choses-là. Vous venez de prendre les renseignements venant de qui? Du diable. Donc, vous invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'église en servant le diable. L'église est en danger. C'est comme ça. 99%, c'est comme ça. L'église est en danger. Hier, j'ai entendu poser une question à une femme ici. Elle dit que, interroge, est-ce que tu as vérifié? Elle me parle à manger le shingo. Ouais, non. Non, je n'ai pas réussi. Quand elle fait comme ça, elle te laisse tranquille. Parce que c'est ton âme qui est en jeu. Mon âme n'est pas en jeu. Si l'enlèvement vient là, je n'ai pas attiré. C'est tellement comme vous voyez là, je n'ai pas attiré. Mais c'est quand même curieux. Tu dis, viens madame, tu as reçu cela lorsque dans un endroit comme celle-ci, on priait. Elle me regarde comme ça. Là, okay. Elle voit cette taille, elle dit que non, le coup, garçon, là, il dérange. Il sort d'où celui-ci. Alors, l'interrogation, je lui dis, quand vous avez reçu ça, avez-vous vérifié que c'est le Saint-Esprit que vous avez vu? Est-ce le Saint-Esprit? Tu penses que c'est le Saint-Esprit qui est dedans? Elle devait se poser la question. Normalement, quelqu'un de sensé devait poser la question. Ok, frère, comment ça, c'est censé se manifester? Comment le Saint-Esprit, si c'était le Saint-Esprit, comment ça se fait? Je la pousse à bout pour qu'elle me pose la question. Je ne me pose pas la question, je la laisse comme ça. Il y avait l'autre ma soeur qui était ici debout. Quand elle est entrée, elle dit, il y a quelque chose ici dedans. J'ai dit, ok, je vais la challenger. J'ai dit, prier. Je viens au moins par trois fois. Elle allait s'asseoir là-bas. J'ai dit, ok, désormais, c'est lui qui va faire. Je suis venu par le dos. Et puis, ça l'a brûlé. Vous voyez, ça a déclenché quelque chose. Il y a des choses que vous devez connaître concernant le Seigneur. Il y a d'autres personnes que vous touchez. Ça engage le processus. Un processus déclenche dans ton système. À un moment donné, tu ne sais même plus ce qui arrive. Faites attention avec le Seigneur. Mais je vais d'abord, avant d'avancer dans les Saintes Écritures là maintenant, pour vous dire que vous et moi, vous ne veillez pas, vous êtes en danger. Nous sommes en danger. Et le Seigneur, dans les Écritures, a prévenu comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ a prévenu. Lui, quand il était sur la terre, ses apôtres ont prévenu. Je vais prendre ce que le Seigneur Jésus a dit. Dans Matthieu chapitre 24, à plusieurs reprises, quand on lui a posé la question, Seigneur, qu'adviendra-t-il de la fin du temps? Quels seront les signes de ton avènement? La première chose qu'il a ouvert la bouche, elle a dit, prenez garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Vous voyez, car plusieurs viendront sous mon nom. C'est pas ce qu'il a dit. Alors dans ce cas-ci, le Seigneur a dit que c'est le principal signe de sa venue, de son retour là, ça sera qu'on prenne d'abord garde. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, la Bible parle de... Frère, quoi que tu fasses, t'assois pour bien écouter ceci, c'est bon? Dans le second épître aux Thessaloniciens, la Bible parle du mystère de l'iniquité qui agit déjà. Il faut que ça soit, que celui qui le retient soit enlevé. Vous voyez, n'est-ce pas? On dit que pour qu'il puisse apparaître, il faut d'abord que l'apostasie soit d'abord. Vous voyez, l'apostasie, que l'apostasie soit d'abord. Donc, premièrement, la chose qu'on va d'abord voir, c'est quoi? Cette apostasie-là. Oh, ce sera bon ici. Vous allez enregistrer. Ceux qui enregistrent, vous envoyez ici, on met ici. Vous ne pouvez pas enregistrer à distance et puis ça donne. Alors, l'apostasie, c'est l'un des caractéristiques des signes de la fin de temps. Et l'apostasie symbolise quoi principalement? C'est fait que les gens viennent dévier de la foi. C'est-à-dire, toi qui courais la droite ligne avec la foi, à un moment donné, donc tu dévies parce qu'on est venu te dire des choses. Vous me suivez, frère? L'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 2, verset 18 et suivant. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 18 et suivant, l'apôtre Jean dit que bien-aimé, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'il y a un antéchrist qui vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists dans le monde. Par cela, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Puis il dit, ils sont sortis du milieu de nous. Ils, ces antéchrists, ils sont sortis du milieu de nous, c'était au milieu des croyants. Vous voyez, ça c'est ce que l'apôtre Jean dit. Maintenant, il dit que cela a été afin que tout, cela fût manifeste que tous n'étaient pas de nôtre. Car s'ils eussent été de nôtre, ils seraient restés. Ça veut dire qu'ils devaient garder la droite doctrine, la sainte doctrine que notre Seigneur avait laissée. Maintenant, l'apôtre Paul, lorsqu'il s'est tourné là-bas à l'horizon, il a vu le danger qui arrivait sur l'église. Il a rassemblé à Milet. Il a envoyé Timothée et autres d'aller rassembler les anciens de l'église d'Éphèse qui viennent le trouver là-bas parce qu'il avait quelque chose à leur dire, un conseil à leur donner. Dans Actes chapitre 20, dans la partie verset 17, la Bible déclare, oh là, je crois que je vais vite là, Actes chapitre 17 jusqu'au verset 38, la Bible déclare, de Milet, il a envoyé appeler les anciens de l'église. Ils sont venus vers lui, mais il a commencé à dire que vous savez que nuit et jour, je n'ai cessé de vous exhorter chacun de vous avec des larmes. Vous au milieu de qui j'ai prêché le Seigneur chaque jour en pleurant. Il dit, voici, je sais qu'après mon départ, écoutez cela, je sais qu'après mon départ, ils s'introduiront du milieu de vous des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau. Vous entendez ce qu'il a dit? Ce sera au milieu chrétien. Ça, c'est l'apôtre Paul. J'ai cité l'apôtre Jacques tout à l'heure. L'apôtre Pierre, lui, dans 2 Pierre au chapitre 2, à partir du verset 1, il dit qu'il y a eu parmi, le peuple des faux prophètes. Il y aura parmi vous. Quand il dit parmi vous, c'est parmi qui? Les chrétiens. Il dit qu'il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans les dissolutions et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous avez suivi ce qu'il dit? Donc Jésus a parlé, Paul a parlé, Jacques a parlé, Jean a parlé, Pierre a parlé. Ça devait vous faire frémir. Plusieurs prophéties parlent de la mise en garde. La Bible déclare dans 2 Timothée, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à la doctrine des démons. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc on ne veut qu'on nous prêche ce qui va nous faire bien pour notre chair. La Bible déclare que plusieurs, on a prophétisé que plusieurs. Quand vous lisez la Bible, donc, vous devez vérifier dans quelle catégorie vous vous trouvez. Si vous êtes sur la voie droite, ou bien cette grande multitude-là qui est en train d'aller à la perdition, ou bien sur la voie du Seigneur Jésus. Parce que ce n'est pas ceux qui vont dire Seigneur, tout simplement, qui vont le faire. Il y a des gens qui vont chasser les démons, comme vous voyez là, qui vont aller en enfer. Parce que le Seigneur dit, plusieurs me diront en ces jours-là, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom. Il va dire, je ne vous ai jamais connu. La question c'est, avec quoi chassaient-ils les démons? Jésus a dit, en mon nom. Qu'il le faisait en son nom. Je veux que vous mesurez bien cela. Donc, nous sommes en danger, vous êtes en danger. Alors, si quelqu'un se trouve là, avec ce que vous appelez parler en langue, il parle, il sait Dieu, il prie. Comme le plus jeune soeur a dit ici, elle boit le sang. Posez-lui la question s'il y a un cannibale. Il y a un chrétien qui boit le sang, frère. Elle boit le sang. Où est-ce qu'elle prend pour boire le sang? Vous voyez, parce que les faux enseignants sont en train. On a donné un style d'enseignement au milieu chrétien. D'autres, c'est le feu. Ils crachent le feu comme le dragon à midi à 14h. Ils crachent le feu à gauche, feu à droite, feu au village, feu à Boaké. Ça ne marche pas. Mais voici ce que le Seigneur a dit en mon nom. Il a dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce nom, quand vous prononcez dans la sainteté, ça produit les fruits. Quand vous prononcez, le problème c'est le niveau de la sainteté. Vous avez deux choses à faire pour régulariser, pour que ça fonctionne. Vous avez deux choses. Première chose, il faut que vous viviez la sainteté. Deuxième chose, il faut que vous croyez en ce nom-là. L'apôtre Pierre dans Actes chapitre 3, lorsqu'il a tiré ce paralytique-là, il dit, quand les gens étaient surpris, il a dit que non, comment vous regardez comme si c'est par notre propre puissance que nous allons faire marcher cet homme? Il dit que c'est par la foi en son nom que son nom a agi. Il n'y a pas quoi que ce soit. Il y a des gens qui voient le prédicateur, quoi, peut-être qu'il faut qu'ils me donnent parce qu'on a eu à faire des traces chez les marabouts. Il faut qu'on donne quelque chose de palpable pour qu'on puisse savoir qu'on a foi. C'est pas ça, la foi ne fonctionne pas comme ça. Vous portez le truc de Jésus sur ça, là, ça ne vous protégera pas. Vous savez, n'est-ce pas? Le démon lui-même prononce le nom de Jésus. Vous savez ça, n'est-ce pas? Dans Actes chapitre 19, il y a des sept fils de Sceva qui sont allés prendre un démoniaque. Il dit, oh, toi, il chasse au nom de Jésus que l'apôtre Pierre prêche. Hein? Que l'apôtre Paul prêche. Le démon dit, toi, tu es normal, mon ami. Je sais qui est Jésus. Je connais qui est. Pourtant, tu es là. Tu es qui? Le démon dit, je sais qui est Jésus. Donc, on ne vous trompe pas que le démon ne peut pas prononcer le nom de Jésus. Si prononce le nom de Jésus, il va tomber. Quand il racontait Jésus, il dit que je sais qui tu es. Tu es le fils du Dieu très haut. Et il connaît même la mission. Il dit, tu es venu pour nous perdre. Vous connaissez, il dit bien, ils connaissent la mission de Jésus. Il dit, tu es venu pour nous perdre. Ils connaissent sa mission. Ils le connaissent. Ils connaissent sa mission. Vous comprenez? Un temps même, il prie. Donc, ne pensez pas quand vous priez la nuit, le démon ne prie pas. Vous savez ça, frère? Et si vous n'avez pas encore eu l'exaucement, les démons ont eu l'exaucement de la part du Seigneur Jésus. Si vous lisez Marc, chapitre 5, quand il est sorti, celui-là qui avait les gens en lui, quand il a vu Jésus est venu, il a dit, tu es le fils de Dieu, tu es venu pour nous perdre. Jésus a dit que sors de cet homme. La Bible déclare, il le priait de ne pas les envoyer hors du pays. Ils ont prié Jésus. Que Seigneur, s'il te plaît, ne nous envoie pas. Jésus a obéi. Jésus a accepté à leur prière, à leur requête. Donc ne pensez pas que c'est vous seul qui priez. Eux-mêmes, ils prient. Vous priez et ils prient. Parce que s'ils sortent hors de ce territoire, ils ne pourront plus faire les activités dans ce territoire. Donc si Jésus-Christ permet qu'ils restent dans ce territoire, ils vont continuer à faire les activités là-bas. Souvenez-vous donc, les démons prient, ils prononcent le nom du Seigneur Jésus. Souvenez-vous donc, le plus grand danger que vous pouvez encourir maintenant se trouve en plein milieu chrétien. Le plus grand danger que vous pouvez encourir, ça se trouve où? En milieu chrétien. Pas tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur vivent avec le nom du Seigneur. Pas tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur sont en relation avec le Seigneur. Pas tous ceux qui tiennent la Bible, appelez Sainte Bible. Vous appelez la Bible comme ça. Vous arrêtez votre Bible, vous écrivez Sainte Bible. Vous allez dans le temple des francs-maçons, c'est déposé là-bas, oui ou non? Les satanistes, eux, ils lisent ça, oui ou non? Qui ne lit pas la Bible? Satan lit la Bible. C'est pas lui qui est venu citer son 91 à Jésus. Il avait vu ça où? Ne croyez pas que vous allez déposer votre Bible sur le chemin que Jésus dit, protège-moi. Hein? Il n'a pas dit les feux vont te protéger. Il n'a pas dit ça. Vous comprenez? Il y a d'autres qui meurent comme ça, ils dorment, ils mettent ça sur lui comme ça. Oh Seigneur, je suis dépassé par les événements. Mardi, je crois qu'il va falloir que, si Dieu le permet, je vous enseigne à prier dans l'esprit. Prier dans l'esprit. Déjà de prier que vous priez, que votre esprit parle dans la prière. Ce genre de délivrance que vous observez là, vous ne pouvez pas opérer ici si vous n'avez pas deux bouches. Il faut que vous ayez deux bouches. Vous comprenez ce que ça nous dit? Vous ne comprenez pas? Attrapez votre bouche. Non, vous avez pas dit, vous avez dit qu'on dit quoi? Attraper. C'est attraper, c'est ça? Oui, attraper votre bouche. Ça, c'est la bouche, n'est-ce pas? Si on vous ferme, ça vous priez comment? Comment? C'est ça qu'il dit. Il faut que vous ayez deux bouches. C'est-à-dire qu'une ici à l'intérieur, que l'homme ne peut pas arrêter. Et l'autre ici. Vous comprenez? Ça veut dire que vous pouvez parler pour quelqu'un comme ça. Là, vous allez prier pour celui-là. Il faut donc à l'intérieur qu'il y ait une dissociation entre vous et cet être-là qui est à l'intérieur de vous qu'on appelle le Saint-Esprit. De telle façon que vous ne venez pas interférer sur ses œuvres. Quand vous interférez sur ses œuvres, c'est le raisonnement qui commence. Il dit, mets la main là-bas. Tu dis, frère, Seigneur, si il met la main là-bas, mais gifle, tu vas dire quoi? Quand il dit, avance, j'avance tout simplement. Parce que celui, écoutez très attentivement, de la manière que le Saint-Esprit utilise les chrétiens, c'est comme ça les démons utilisent les hommes. De la même manière. C'est-à-dire que vous savez, cet homme dont j'ai dit dans Marc, chapitre 5, là, quand il était là, la Bible, quand il était tantôt dans les cimetières, tantôt là-bas, il criait, il se meurtrissait lui-même. Ça veut dire que son corps n'était plus sous son contrôle. C'était soumis à un autre esprit. Et par conséquent, l'esprit ferait de son corps ce qu'il voulait. C'est comme ça donc, quelqu'un qui est loin de l'esprit. Jésus a dit, il est comme le vent. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Alors quand le Saint-Esprit dit, avance, il avance. Tu avances seulement. Il dit, mets la main, tu mets la main. Tu mets la main. Vous savez ça, n'est-ce pas? À une autre personne, il dit, fais comme ça, tu fais comme ça. Et puis c'est terminé. Alors maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Quelqu'un dit, ok, quand tu tends la main, ça veut dire quoi? Allez lire ça au ciel. Et quand tu tends la main, pourquoi tu fais comme ça? Ok, si il fait comme ça, tu vas poser la question toujours. Ce n'est écrit nulle part. C'est ça, n'est-ce pas? À d'autres, c'est où vous regardez. Vous voyez les films chaque jour. On vous enseigne ces choses-là dans les films, les jeux des enfants. Vous voyez quelqu'un faire comme ça, poum, le feu sort de sa main. Vous posez la question que qu'est-ce qui arrive? Où est-ce qu'ils ont pris ça dans les, pour mettre ça dans les tintins? Ils savent ce qui se passe. Parce qu'à distance, vous pouvez toucher quelqu'un. Vous savez ça, frère? Vous savez ça? Hein? Vous savez pas? Alors, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais faire l'une des mêmes missions ici aujourd'hui. C'est-à-dire corriger des choses. Mais avant, je vais d'abord vous dire que vous êtes en danger. Et vous dire, et je viens d'expliquer le pourquoi vous êtes en danger. Vous avez vu ces choses-ci. Parce que ces choses-ci se trouvent en plein en milieu chrétien. Des gens parlent en langue, comme vous avez vu là. Des prophètes comme ça là. Et d'autres parlent, on les distribue. D'autres même, on les enferme quelque part. Ils disent qu'on va t'enseigner à parler en langue. On n'enseigne pas. Les dons spirituels ne s'apprennent pas. Les dons spirituels ne s'apprennent pas. Elles sont octroyées par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne avant. Et puis il dégage le don qu'il voudra à partir de vous. Vous savez, n'est-ce pas? Et par conséquent, si vous ne réglez pas votre vrai problème avec le Seigneur, vous êtes fichu. Vous me suivez? Vous devrez régler votre vrai problème. Votre vrai problème, c'est la réconciliation avec Dieu de la bonne façon. Ça veut dire qu'il faut que vous repreniez un nouveau départ. Il faut que vous recommenciez un nouveau départ. Et puis, vous séparez de votre vie ce qui n'est pas de lui. Et prendre ce qui est de lui. Désormais, il faut que maintenant que votre vie spirituelle soit la Bible seulement. Si quelqu'un vous dit n'importe quoi, si ce n'est pas confirmé dans les Saintes Écritures, éloignez-vous-en. Parce que les gardes-fous nous ont été donnés par les Saintes Écritures. Il est écrit. C'est ce que le Seigneur a dit, n'est-ce pas? Il est écrit. Quand on a posé la question, même sur les divorces, il dit que n'avez pas lu ce que le Créateur fait. Il est écrit. Vous me suivez, frère? Donc mettez les gardes-fous désormais de notre vie. Ce n'est pas tout le miracle qui vient du Seigneur. Il a prouvé ça dans les Écritures. Il a dit dans les Écritures à plusieurs endroits. Moïse est allé faire le miracle en Égypte. Les enfants des pharaons ont fait aussi les mêmes trucs là. Aujourd'hui, ça c'est la même chose. Bien plus encore, même les marabouts appellent les pasteurs en faisant les requêtes. Que si votre église ne fonctionne pas, venez prendre la puissance chez nous. Ce n'est pas le monde qui va en envers, ça. Que pasteur, si tes fidèles ne meurent pas, vous devez vous poser des sérieuses questions, vous ici à l'Afrique de l'Ouest. Vous devez vous poser des questions. Quelqu'un ouvre une salle comme celle-là, trois personnes, ça ne marche pas, il part voir le marabout. Et puis, une semaine après, il y a 1000 personnes. Les 1000 personnes qui viennent là, sont-ils envoyés par le Saint-Esprit? Sont-ils conduits par le Saint-Esprit? Maintenant, le message, est-ce que le message qu'on prend là-bas, c'est le message de Satan? C'est le message de Jésus, n'est-ce pas? Mais le Seigneur Jésus-Christ ne confirmera jamais ce message. Donc, ces 1000 personnes envoyées par l'esprit démoniaque appartiennent à Satan. Même s'ils chantent chaque dimanche, je vais chanter pour Jésus. Donc, reconsidérez votre relation avec le Seigneur Jésus. Reconsidérez votre relation avec le Seigneur Jésus. Il est temps d'enlever les yeux sur les prédicateurs et chercher une bonne relation avec le Seigneur une fois pour toutes. Pour qu'aucun homme ne vienne plus vous troubler. Amen. Vous me suivez, frère? Vous avez responsabilité pour votre propre vie. Veillez, vous avez l'écriture. Veillez, vous avez l'écriture. Et alors, priez que le Seigneur vous conduise. Vous me suivez? Je prends d'abord quelques questions concernant ce que vous avez vu et puis j'avance là rapidement. Vous avez des questions? Vous avez vu? Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il a même vu? Il a posé des questions. Est-ce qu'il a vu? On l'a attendu aussi fatigué, non? Il est fatigué. Oui, bonjour. Bonne arrivée. Si on ne lui passe pas la parole là maintenant, ça va dégager. On ne lui passe pas la parole. C'est une bonne chose. On a attendu fatigué, n'est-ce pas? J'ai demandé si fatigué. Si vous avez dit, si vous avez vu des bonnes choses, que vous ne posez pas question, c'est que vous avez compris. Voilà. Mais il faut pas qu'après l'assemblée, vous murmuriez là-bas. Voilà. Il faut comprendre les gens aussi. Ah, bon, c'est ce que je n'aime pas. Est-ce que tu as compris ce qu'on ça a dit? Ça aussi, c'est pas bon. Pas bon. Donc, oui. Vous ne savez pas ce que moi je veux dire. Je veux le droit. Oui. Bon, serviteur junior, j'ai. C'était hier, ça a été dit ici, après la réunion, que c'est à 13h, ça allait commencer ici aujourd'hui. Oui. Et cette réunion me tenait à cœur, mais seulement, et puis après j'ai été appelé, que non, on va commencer bientôt. Il dit non, j'arrive. Donc, il fallait que je dise un peu en une minute ce qui m'a retenu là-bas. Oui. C'est une assemblée qui m'a invité. Vous devez être connu et sollicité. Hein? Voilà, ils m'ont invité. Oui. Donc, je devais honorer le rendez-vous. Rendez-vous là-bas. Et comme la réunion d'ici, c'était à 13h, c'était pas matin. Donc, j'ai été là-bas à 10h. Ok. Après leur culte, nous sommes assis. Ce de quoi il est question, on a parlé de ça. Oui. Ils voulaient encore me retenir, ils ont mis un autre problème. Oui. J'ai dit, c'est pas possible. Oui. Donc, je les ai fui pour venir. Ok, merci. Pourquoi je suis venu avec toi? Merci. Merci. Mais c'est pas une question. Mais c'est une conversation. Mais après ça, il veut mettre une deuxième partie. Je vais mettre une chose pour vous expliquer encore quelque chose à l'issue de ceci. Parce qu'il faut qu'on soit édifié. D'accord? Donc, je tente de lui dire donc, pour faire ceci, il faut que vous ayez deux bouches. La bouche d'ici, ça vous permet de manger. Babaré, comme je suis babaré là-bas. L'autre bouche là permet de prier en esprit. L'autre bouche qui est à l'intérieur là permet de prier en esprit. Et pour que cette bouche-ci, là-bas, ce qui est à l'intérieur là, puisse être développée, il faut que l'écriture quitte la Bible pour habiter dans vos cœurs. Il faut que l'écriture quitte la Bible, votre livre comme ça, pour habiter dans votre cœur. Si ça n'habite pas dans votre cœur, tout ce que vous allez faire là, vous restez seulement. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, dit le Seigneur. Et il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oui, mon cher, pose la question. Mais en fait, c'est par rapport au démon. Oui. Apparemment, lorsque tu t'entraînes chez le démon, tu vois certaines choses. Oui. Tout le monde ne peut pas voir. Tu veux voir quoi sur ça? Non, c'est pas. Est-ce que ça te concerne? C'est pas tout le monde qui est censé voir. D'accord. Ok, je pose la question. Celui-ci là, comment il est au milieu de vous là? Vous savez qu'il y avait quelque chose en bordure de main? Non. Dans ce cas, comment alors, lui et moi on était là-bas? Qui lui parle donc, en disant que pour qu'est-ce que ces jeunes garçons se font en bordure de main? C'est de lui dont il est question. Il faut que vous le preniez. Il faut que vous le preniez. S'il vient, ça fait la différence. S'il est là, ça fait la différence. Il y a d'autres personnes, tu parles, ils ne comprennent pas ce que j'ai dit. Vous avez remarqué que quand on a commencé, si le monsieur Néolé, regardez, il dit toi, j'ai dit quelque chose. J'ai remarqué que ça l'a frappé. Il dit, qu'est-ce qu'il a de raconter? Je reste tranquille. Je continue ce que je viens de faire. Le temps que ça va parcourir son esprit, il va se souvenir, il va voir l'image. Oui, mon cher frère, tu l'es. Bon, en fait, moi, je voulais poser une question. Oui. Mais vraiment, ça a été expliqué. Oui. En fait, je voulais demander les gestes. Oui. C'est-à-dire comment ça va les gestes? Voilà, les gestes que. Qu'on appelle tu faisais oui. dans lors de la guérison oui. Je dis guérison chose dans le film oui dans les gestes je voulais que tu m'expliques il t'explique les gestes déjà expliqué oui voilà maintenant moi je voudrais poser une question vous voyez quand une chose le monsieur qui était possédé oui. qui parlait en langue et autres à un moment donné il a donné l'impression que il était sorti. Oui. En fait, c'est ce que j'ai suivi. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien. Mm-hmm. Il a donné l'impression qu'il était sorti. Oui. Mais comment tu as su que qu'il était encore là? Est-ce le discernement? Non, c'est une bonne question. Non. Le moment le plus dangereux dans la délivrance, ce n'est pas quand vous priez. C'est à cette instance dont tu en as dû parler. Bon, est-ce par le discernement? Oui. Ou bien. Bon. Bon, je te pose la question, tu me vois. Comment tu as su que l'esprit n'était pas sorti? Oui, n'était pas sorti. C'était déjà bien. Oui. Au lieu de dire, est-ce par le discernement? Laisse ça. Voilà, c'est vrai. Ça voilà. D'expliquer. Voilà. J'ai dit, tu me vois, n'est-ce pas? Tu me vois. Oui. Qui ici dans la salle me voit? Vous tous me voyez? Oui, j'ai porté quel habit? Oui. C'est tout ce que vous pouvez voir. Voilà tout ce que vous pouvez voir. Pas vrai? Oui. Ok, maintenant. Si je vais. Un autre entre ici, se tient ici. Il est en veste noire. Il dit, bien aimé, Jésus-Christ est bon. Puisque tu sais que Jésus-Christ est bon, tu vas dire quoi? Amen. Jésus-Christ est notre Seigneur. Tu vas dire quoi? Amen. C'est tout ce que vous pouvez voir et entendre. Mais au-delà, ça c'est le problème là-bas. Parce que personne, aucun prédicateur, fût-il faux, ne vient jamais dire que Jésus-Christ est anathème. Jamais. Vous ne verrez nulle part une campagne d'évangélisation. On va dire que venez, Satan va vous guérir. Nulle part. Pas vrai? On prend les versets bibliques. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pas vrai? Mais derrière, ce sont des fétiches. Parce qu'ils savent qu'en réalité, ce qui est vrai, c'est le Seigneur Jésus. Si mais c'est fétiche, personne ne viendra. Même le marabout, lui, ne va pas venir. Si vous-même, vous voyez que vous passez quelque part, vous voyez un homme guéri. Et que vous voyez que Satan guérit. Il dit, même si tu es malade, n'importe comment, tu dis Satan guérit. Jamais. L'autre, là, il ne va pas. Pas vrai? Mais c'est parce qu'on met Jésus, parce que c'est Jésus qui est le vrai. Satan sait que Jésus est vrai. C'est pour ça qu'il doit utiliser ça pour usurper. Personne n'utilise le nom de Satan pour usurper. Même toi-même, tu ne peux pas prier. Même si ta bouche dit Satan, tu vas taper ta bouche 7 fois. Pas vrai, frère? Donc Jésus est le vrai. Pas vrai? Maintenant, je pose la question. Si Jésus est le vrai, et qu'on prononce ce qui est juste, le vrai prononce, le faux prononce, votre relation, votre position devrait être quoi? Qu'est-ce que vous devez regarder? Le Seigneur donc a donné la solution dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13 et suivant, jusqu'au verset 22. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'un ton des raisins sur des épines. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Tout arbre, tout bon arbre porte de bons fruits. Vous voyez, il dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais. Vous devez faire le choix. Ça veut dire quoi? Avec la parole du Seigneur, le discernement qu'on commence là où on commence à regarder tout droit sans compromission. C'est ce que le Seigneur a dit là-bas. Je vais être clair encore et détaillé. Le Seigneur Christ dit dans Matthieu chapitre 7 là que le discernement commence. Il dit même comment. Ça, c'est le discernement sur le plan normal. Parce qu'il y a l'autre discernement spirituel qui est encore plus compliqué. Maintenant, j'arrive à ce niveau-là. Il dit le discernement commence lorsqu'on commence à être rigoureux avec la parole sans compromis. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si quelque chose n'est pas aligné avec les Écritures, vous ferez mieux. Il y a quelqu'un qui va venir, par exemple, faire le miracle. Mais c'est tout là-bas, il se consacre à sa femme pasteur. Malgré que l'Écriture dit que la femme ne peut pas être pasteur, la femme ne doit pas être enseignante. Qu'est-ce que tu vas dire de cela? Soit tu renies l'Écriture, tu as ce qu'il en a dit, soit tu l'acceptes, tu renies l'Écriture. Donc la position que tu vas prendre ici va déterminer de quel côté tu te trouves. Et si tu commences à être séduit sur un point de l'Écriture, en négligeant l'Écriture, tu vas négliger l'entière. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? C'est pour ça que je ne bouge ni à gauche, ni à droite. Dans les émissions radio, on dit que tu es trop carré. Il dit que je mens. Je suis borné à l'intérieur. La Bible déclare qu'on ne dépasse pas les bornes anciennes, non? C'est pas ce qui est écrit. On a déplacé les bornes anciennes. Il va encore déplacer quoi? Donc je reste dans ce périmètre-là. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc le discernement commence lorsque vous commencez avec la parole de Dieu à vous aligner derrière la parole sans vous en éloigner. C'est là où ça commence. Ça, c'est le discernement sur le plan livresque. Maintenant, pour ce qui est du discernement, savoir que l'esprit soit ou quoi que ce soit, il y a des différents. Vous avez les Bibles là, n'est-ce pas? Vous prenez 1 Corinthiens chapitre 12. Tout à l'heure, on va entrer dans les Écritures pour travailler. À partir du verset 28, la Bible déclare tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils ici? Ouais, n'est-ce pas? Et on pose la question, est-ce que tous opèrent des miracles? Les miracles, ce n'est pas fait pour tout le monde. Vous me suivez? Je crois que c'est bon là-bas. Les miracles, ce n'est pas fait pour tout le monde. À l'un est donné par l'esprit ceci, à l'autre par cela. L'Église, normalement, fonctionnerait dans l'esprit. De telle façon que quelqu'un resterait là derrière, il se lèvera par l'esprit, prophétisera. L'autre donnera l'interprétation de ce côté-ci. L'autre dira telle ou telle chose de ce côté-ci. L'esprit se mouvra comme ça là. Mais le simple fait qu'on s'assoit comme ça là, personne ne peut dire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que nous tous, nous sommes aveugles. Et par conséquent, quelqu'un va venir dire quelque chose ici. Parler. Ça souille vos âmes. Vous ne comprenez même pas que ça souille l'âme. Parce que vous attendez avec les oreilles pour entendre ce qu'il en est. Mais l'esprit allait mettre des choses dans votre âme. Donc le discernement a besoin du don de discernement des esprits. On ne prie pas pour avoir le discernement. Souvenez-vous bien, on ne prie pas que le Seigneur donne le discernement. Ça ne se passe pas. Si vous devez avoir le discernement des esprits, c'est un don. C'est un don spirituel. Ça doit être donné. De temps en temps, quelqu'un a de parler. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a montré cela dans la Bible au fur et à mesure. Vous remarquez très attentivement, il reste au puits là-bas, en train de prier pour la femme, vous appelez la femme samaritaine là. Il reste au puits, il dit, donne-moi de l'eau à boire. Il ouvre un champ comme ça dans son esprit. Bon, c'est compliqué, je vous le dis. Il ouvre un champ dans son esprit. Il dit, comment toi, tu es juif, tu me le... Cette conversation-là, il converse comme ça, Jésus qui se converse comme ça. C'est ça dont je viens de parler. Les prophètes connaissent bien de quoi ils sont en train de parler. Alors, il te pose une question, tu lui réponds. Pendant que vous allez causer comme ça, le discernement a déclenché. Donc, sur le plan spirituel, le discernement a déclenché. Tu commences à te poser la question. Après, il dit, va appeler ton mari. Il a délocalisé exactement quel est le problème. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est de ça. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus faisait là-bas. En causant avec la femme, il n'a pas besoin de l'eau à boire. Il parle pour détecter quel est son problème en tant que prophète. Parce que la femme lui a dit que je vois que tu es prophète. Elle a su qu'il était prophète. Donc il a commencé à parler des choses bizarres. Le but, c'est de captiver son esprit. Quand il a captivé son esprit, En fait, je vous le dis, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes mal barré. De toute façon, vous êtes mal barré. Alors, vous rencontrez quelqu'un, je ne sais pas si ça se passe ici en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui vous saluent. Ils vous disent quelque chose, vous allez prendre l'argent chez lui, venez vous donner. Ça se passe ici? Oui, non. Ah, c'est cette chose qui se passe. Alors, si ça se passe comme ça avec les bandits, il te salue, dit que toi, il attire ton attention. Alors, tu as l'attention, il dit que ta mère veut te tuer. Va à la maison, prends tout, boucle d'oreille, argent, tout. Tu viens me donner. Ne regarde personne, même si tu demandes pourquoi, ne donne pas. Tu veux entendre. Vous voyez, on a captivé son esprit. Ça s'est fait, chevaux. C'est comment? Dernièrement. Ça s'est fait. Voilà. Il a donné. Après, à un moment donné, elle va se réveiller. Elle va dire qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? On l'a envoûté, on l'a encerclé. Maintenant, si cette personne de marché, tu dis qu'au nom de Jésus, elle va se réveiller. C'est comme ça. Alors, ce que Satan fait, il ne fait qu'imiter ce que Dieu est censé faire. D'accord? Oui, mon cher. Oui. Pendant la délivrance, il parlait d'Adonai. Il voulait savoir si c'est l'esprit. Elohim. Voilà. L'esprit qui était en lui, c'est lui. C'est l'esprit là qui le permet de parler comme ça. Mais, attends, tu pensais que qui allait parler? Ou bien tu pensais que c'est moi qui parlais? Hein? C'est pour dire que si tu prenais le nom de Dieu, les démons connaissent mieux Dieu que nous. Ils connaissent mieux Dieu que nous. Alors maintenant, remarquez très attentivement. Je vais vers lui, je pose la question, il parle en langue. Normalement, tout bon prédicateur le serait que non, s'il est rempli du Saint-Esprit, pas vrai? Moi-même, je vais quitter le Saint-Esprit, je dis reste là, pose la question. Je vais poser la question au moins 7 fois. Qui es-tu? Il dit, c'est que. Moi, je sens le prédicateur, mais c'est tu qui prie. Il dit, comment? Il dit, quel est ton nom? Il ne parle pas. Vous savez, je sens lui parler comme ça, il regarde les gens, il dit, prie. Ici, à l'intérieur, c'est fort. Ça, celui-ci parle. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Je sais que celui-là dit ne l'entends pas, ce n'est pas moi là-bas. Pose-lui la question. Il pose. Il dit Adonai. Il dit Elohim. Après, quand il dit quel est ton nom? Il dit je ne te dis pas. Hein? Après, il dit maintenant que je suis Adonai. La voix a changé littéralement, n'est-ce pas? Vous devez poser des questions. Normalement, vous assistez à ce genre d'endroit où on distribue le Saint-Esprit. Vous prenez pour vous comme le pain, vous rentrez avec. Tôt ou tard, ça va se manifester. Donc si vous avez été dans ces endroits où on dispute ces choses-là, demandez que Dieu vous nettoie à l'intérieur. Que Dieu vous nettoie, qu'il vous nettoie bien. Quoi qu'il y ait la trousse. Bonne année, ma chère. Ça va? Ça va? Bien dormi? Que Dieu te bénisse. T'as pas bien dormi? Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il m'a excusé auprès des frères. Tu l'as tapé même toi hier. Il m'a excusé auprès des frères, vraiment. Au commencement, là, il y avait vu dedans. Mm-hmm. On est arrivé à la maison, j'ai fini de laver les enfants. Je dis à mon mari, c'est qu'il a fini, je vais voir. Oui. Ah. Attends, mais tes yeux étaient ouverts, c'est toi, je ne voyais pas. Ses yeux étaient ouverts, non? Elle me menaçait avec les yeux comme ça, un coup ouvert comme ça, là. Tu sors d'où? Il a regardé la vidéo. Mm-hmm. J'ai tissé les champs, il ne pourrait plus me lever. Toutes mes mains me faisaient mal. Oui. Attaquer en même temps les enfants. Oui. Lui, là, d'abord, même le temps où on était ici, ne t'inquiète pas pour les enfants. On est là à faire la délivrance, uh-huh. Il était déjà attaqué là-bas. Voilà. Mon fils était là. Oui. Quand il s'est arrivé, quand il finit de regarder la vidéo, c'est là aussi. Uh-huh. Bébé là aussi. Oui. Non, ne t'inquiète pas, il parle pour toi. Nous tous, on est versés dans la maison. Oui. Il dit à mon mari, ah, il est mal. Tu as mal, de faire quoi? Il dit, il est mal, sérieusement. Uh-huh. Il ne comprend même pas. Il ne comprend même pas. Il dit, mais tu as mal. Tout ma main, à un moment, c'est comme. On pilait, il a très mal même. Donc c'est lui qui a demandé, il a acheté l'eau pour mon épouse. Voilà, tu poses la question. Quand tu as vu la vidéo, hier là, tes yeux étaient ouverts, non? Oui. Mais tu ne voyais pas les gens ici. Dis-nous comment ça a commencé. Bon, quand j'étais arrêté, il a vu un peu, mais à la fin là, c'est pas quand on commence plus quelqu'un et puis devient bizarre. Mm-hmm. Voilà, il était devenu comme ça, franchement. C'était le fait qui t'a secoué. Lui, il t'a beaucoup secoué, non? C'est lui. Il t'a secoué. Mm. Il t'a tourné bien dedans comme ça, là. Bon, en tout cas, là, ma question est que mieux savoir si vraiment il était délivré. Mieux savoir. Bon. Vraiment, je vais quitter dans ça. Attends, tu savais que tu avais un problème spirituel? Non. Ok. L'autre jour, je ne sais pas quand on était ici, tu étais tenu là, tu posais des questions. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui est comme ça. Oui, parce qu'il a dit que c'était ma grand-mère. Oui. Effectivement, quand on est nous, on vient de Dimoko ici, Barré d'Agba. Donc quand on danse les pieds, c'est à 10 mots. Sans toi, ok. Parle. Donc quand on danse les fétiches, pieds, tango, t'es petit, on partait regarder, on dansait aussi, on jouait, mais franchement, j'ai jamais imaginé que. Parce que après le 17, quand elle est décédée, on m'a dit non, qu'elle dépend devant. Moi, j'ai dit non, je ne. Vous étiez là, c'est cette fois-là, non? Vous avez suivi quand je lui ai parlé. D'abord, elle est restée d'abord comme ça. Elle dit de quoi est-ce qu'il parle? Il dit que cet esprit te suit parce que c'est toi qui es la remplaçante. M'a dit de la remplacer, il a refusé. Donc vous entendez, non? Oh, la parole est sortie contre elle. Ça va, on arrive. Alors, lorsque vous marchez, alors je pose la question ici. Vous dites, il dit, il y a la sorcellerie. Si vous marchez, vous avancez en Christ, c'est comme si des choses vous tiennent. Maintenant, elle est à l'assemblée, c'est elle qui nous a raconté les histoires ici. Elle m'a dit que quand elle était là-bas, on disait qu'on les a imposé les mains, que sortait aller prêcher. Elle n'a pas prêché le gigolo, qu'elle a dit là, non. Je pense qu'elle a prêché aux gens. Vous devrez être délivré pour sortir. Sinon, vous allez seulement accumuler. Après, tu avais dit qu'il y avait un rarara que tu as parlé aussi là, non. C'est Rizaza, c'est quoi que j'aurais dit là toujours. Ribababa, voilà. Tout cela, ça vient, ça ajoute là sur ce que la grand-mère a demandé. Tout cela arrive. Donc, ne t'inquiète pas, d'accord. Ne t'inquiète pas, tu es séparé de cela. Tu es séparé. Oui, mon frère. En fait, c'est un problème personnel. Oui. Comme j'ai vu la vidéo, c'est quoi, je pose la question. Oui. Quand j'étais en troisième, oui. Quand j'étais en troisième, je partais au marché à Bongwanou. Oui. Je partais au marché et il y a un taxi qui m'a raté. Ça a failli courir. Je viens de tuer. Oui. Et j'ai sauté, les gens ont crié. Il est mort, il fallait faire le tuer. Oui. Donc j'ai sauté, je suis allé tomber. Oui. Et pendant que j'étais couché, j'ai vu mon double, c'est-à-dire un deuxième être. Non, c'est pas un deuxième être, c'est ton vrai toi. Qui est sorti, c'est-à-dire quand il sortait, oui. C'est comme si on m'a ouvert. Oui. Et il est sorti, il s'est mis à 5 mètres. Oui. 5 mètres de moi, il partait. Oui. Et à un moment donné, il s'est retourné. Je l'ai vu, j'ai dit, mais attends. C'est moi là-bas? C'est quoi ça? Mais je suis là et puis. Tu te vois là-bas? Voilà, je me vois là-bas. Mais en fait, là où j'étais couché, ici, j'étais conscient. Oui. Mais de l'autre côté, je ne mettais. C'est-à-dire que mon corps. C'est ce corps qui voyait celui-là. Voilà, qui voyait l'autre, mais je ne le maîtrisais pas. Oui. C'est-à-dire mon corps qui est là ne le maîtrisait pas. Mais je sais que. C'est le tour là-bas. Un double qui est sorti. La seule différence. Là, il portait les mêmes habits. De moi, même chose. La seule différence est qu'il était debout. Oui. Et moi, j'étais couché. Couché. Donc, j'étais là. Après, quand il s'est retourné. Oui. Et il est venu vers moi et il est là. S'il partait, tu mourrais. Comme il partait là. S'il partait, c'est que c'est ton cadavre qu'on devait retrouver là-bas. C'est que ton cerveau devait s'éteindre. Oui, oui, conclue. Il veut dire quelque chose. Bon, je suis allé, j'ai dit à ma maman, j'ai dit aux gens. Et j'étais l'année passée. Vous entendez là-bas derrière. Il parle comme si c'était la commune, qui a comme si c'était la calomnie qu'il a de faire. Voilà, on va que les gens entendent là-bas. Un pasteur, un homme de Dieu, qui est venu à mon bureau. Oui. Au bureau, il vendait même des documents. Et quand il est venu, il parlait, on parlait, le frère Ngaï même était là, on discutait. Et puis, cette histoire de Samuel. Vous l'entendez derrière. Cette histoire de Samuel, chose qu'on appelle. C'est le prophète. Le prophète. Oui. Et j'ai raconté mon histoire. Oui. Il me dit que non, que c'est une possession. C'est un pasteur qui a dit ça. Qui a dit ça. Non, c'est que le pasteur a besoin de délivrance. Que c'est le diable. Non, c'est bon, il va expliquer, donc, frère. Non, c'est le pasteur qui a besoin de délivrance. Lorsqu'on ne connaît pas ces choses-ci, il y a des pasteurs de livres. C'est-à-dire que ceux qui lisent le livre comme ça, essaient avec des connaissances, essaient d'expliquer les choses. Ça, c'est un autre domaine. Tu ne peux pas lui en vouloir. Ça, c'est le mouvement, il veut pas ça. Ou bien tu es dehors, ou bien tu es ici. C'est des choses. Vous savez, quand vous êtes dans un domaine, quand quelqu'un est en physique, et qu'on lui explique quelque chose de l'autre côté en médecine, s'il ne connaît pas dans cette terre, que d'aller là-bas et aller dire des bêtises. L'être humain est composé de trois parties: le corps, l'âme et l'esprit. Vous voyez? Lorsque tu es comme ça, comme tu es comme ça, là, c'est pas toi là-bas. Ton vrai toi, c'est ici. Tu vois, la Bible déclare que car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Là, on parle de qui? Si tu dois recevoir cela étant de tout ce que tu as fait sur la terre étant dans ton corps. Donc ça veut dire que ce n'est pas à ceci qu'on a de parler. On parle à celui qui est à l'intérieur là-bas. C'est de ça dont Jésus dit que ce que gagnerait un homme s'il perdait son âme, c'est là-bas. Quand j'étais petit, il y avait à peu près 2 ans comme ça. Ma tante, elle était morte. Je l'ai vue, on l'avait couchée là comme ça. C'est là où les visions là ont commencé. Elle était couchée au sol comme ça. J'étais dans la salle de deux, les gens sont assis comme ça, en train de pleurer. Subitement, je me suis tourné, il est vu debout. Il dit, mais t'es petit comme ça, il est vu debout. J'étais étonné. Cette vision ne m'a jamais quitté. C'est là, c'est quand ces choses-là, comme vous avez ce genre d'espérance, on ne peut pas vous quitter. À 2 secondes, vous vous tournez, vous regardez la même chose. Il dit, bien, j'avais moins de 2 ans. Je me suis tourné, je l'ai vu debout. Elle était comme ça, devant son corps, en train de regarder son corps au sol. Elle était étonnée. Elle regardait les gens dans la salle comme ça. Elle regardait les gens. J'étais là, moi-même, j'observais la scène. Je la voyais, je voyais son corps, je voyais les gens, je voyais ce qu'elle faisait. Subitement, j'ai eu la peur. La peur m'a saisi. J'ai commencé à regarder, j'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas parce que subitement, ça, c'est comme si toute la salle avait changé. J'ai commencé à observer que, vous savez, quand vous êtes petit, personne ne peut vous expliquer. Et j'ai gardé ça en moi jusqu'à ce que, quand je suis devenu prédicateur, que j'ai compris pourquoi Dieu avait permis que je voie cela avec d'autres visions. J'ai compris le pourquoi. Parce que pour expliquer le monde spirituel, on ne peut pas expliquer ça sans vivre. On ne peut pas venir dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Alors quand quelqu'un dit, quand je vois les gens disent non, quand tu meurs c'est terminé, vous blaguez parce que vous ne connaissez pas. Vous blaguez. Quand la personne est morte, la vraie personne, quand la chair s'est détruite, la partie qui sort là-bas, si ça sort, vous voyez la félicité. Même si on vous prie encore de rentrer là encore, vous ne voudrez pas. Parce que ici c'est la souffrance. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant par contre, si vous vivez dans le mal et que ça sort, tu vois de l'autre côté là où tu vas aller, la punition, tu pries seulement que donne-moi, que j'en dans mon corps. Je me réponds pour les derniers secondes qui me restent et puis même s'il doit mourir, que je meurs. Alors vous qui êtes sur la terre et que vous avez vos deux facultés là, la faculté mentale et spirituelle, repentons-nous seulement et vivons droit. Vous comprenez? Donc c'est le corps spirituel là-bas, c'est ce corps-là qui va soit dans le sein d'Abraham, soit dans le séjour des morts. C'est cette partie-là. Et cette partie-là, quand tu es sorti de là, écoutez maintenant mes chers soeurs, avec les faux cheveux et les yeux comme ça là, je vais vous expliquer quelque chose par rapport à cela. C'est l'une des choses qui m'a amené à enseigner ces choses-ci droit. Parce que j'observais que les femmes, vous voyez, quand les gens meurent, on essaie d'arranger les personnes, on met le rouge à lèvres pour que tu sois bon et autre là-bas. On arrange comme ça quelque chose qui va pourrir dans les 4 jours. Ouais. Maintenant, une femme, elle dit qu'elle est belle. Elle ne peut pas mettre les choses là qui font ça. Elle regarde des gens comme les tigres là, avec les ongles comme ça. Elle dit qu'elle est belle comme ça. 2 jours, quand on va la mettre dans le tombeau, elle va pourrir, n'est-ce pas? Le problème, c'est que tel que tu meurs, tel que tu te présenteras devant le Seigneur. Je veux que vous mesurez bien cela. Tu as dit quand tu t'es vu. Le corps avec quel habit? Même chose. Et là, tu étais couché. Ouais, le corps là avec quoi? Donc, il y avait 2 habits. Ouais. L'habit qu'il portait, ça se trouvait là-bas. Ouais. Ceci, physiquement, vous pouvez enlever. L'autre là, vous ne pouvez plus jamais enlever. Parce que ce corps, cet habit là n'est pas de cette dimension-ci. Donc, vous avez le faux cheveux sur vous. Ne croyez pas quand vous allez mourir, vous allez. Quelque chose va faire. Vous venez devant Dieu maintenant comme un ange. Si tu as fait le maquillage, tu vas te terminer avec le maquillage. Il va dire maintenant que si tu t'appelles Salamine, il dit Salamine, entre. Il t'avait créé noir. Tu vois là maintenant avec rouge ici, bleu ici. Tu entres là-bas, il dit que Salami c'est toi. Il dit oui, tonton Dieu c'est moi. Il dit non. La photo que j'ai la représentation, ce que là ça ne ressemble pas. Parce que votre corps, vous mourrez. Tel que vous mourrez bandit, vous ressuscitez bandit. Vous mourrez prostitué, vous me ressuscitez prostitué. La Bible déclare, les œuvres les suivent. Vous voyez, de la même façon que vous êtes en Christ, c'est ainsi. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, il dit que vous ne perdrez pas courage. Dans les œuvres, qu'on travaille toujours dans cette œuvre-là parce que la récompense sera là. Et puis dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, il dit que dès à présent, pour tous ceux qui meurent dans le Seigneur, les œuvres les suivent. On dit heureux ceux-là qui meurent dans le Seigneur. Donc ce que tu auras fait sur la terre en tant que chrétien va t'accompagner. De la même façon, il y aura la rétribution pour tous ceux-là donc, qui marchent en dehors de Christ Jésus. Donc mesurez bien ce que vous faites là. Alors c'était ton corps spirituel, ton vrai toi qui était là-bas. Donc ça sort du corps, parce que les 3 doivent être dans le corps pour que le corps vive. Quand tu étais là comme ça, Dieu a seulement permis ça pour ta relation spirituelle plus tard avec lui. Quand tu vois ça, s'il part, il se tourne, il part, à un moment donné, il va disparaître. Petit à petit, ton cerveau se tait. C'est parce que ton cerveau, tu avais la respiration. Ton cerveau encore était encore là, ça battait. Quand ça part, le cerveau se tait, il y a une obscurité, boum, qui tombe sur toi, c'est terminé. Là, j'ai su que la peur peut tuer les gens. Ça tue, non, mon frère? Voilà. Quelqu'un avait les questions ici? Oui, mon cher. C'était par rapport au palais en langue. Oui. Dans notre communauté, c'est le palais en langue. Oui. C'est quoi le palais en langue et quel est le moyen de pouvoir le discerner? Oh, c'est fort là maintenant. Il dit, c'est quoi le palais en langue et quel est le moyen de le discerner? D'abord, ce que vous entendez ça, c'est parce que la Bible expresse ça par la langue. C'est pas ça dont il est question. Je crois que ceci devrait d'abord régler le problème. D'accord. Bon, maintenant, s'il y a quand même le faux, ça suppose qu'il y a du vrai. S'il y a un faux quelque part, forcément, il y a du vrai. Maintenant, il n'y a pas de moyen de discerner si vous ne connaissez pas le vrai. Il n'y a pas de moyen de discerner si vous n'avez pas celui qui discerne. Il faut qu'il soit là pour discerner. Parce que ça, s'il n'y a pas le discernement, vous allez comme ça. Ah non, non, non, frère, lève-toi, lève-toi, ne se salue pas. Pourtant, c'est l'esprit qui est là-bas. Maintenant, la Bible dit que les dons spirituels viennent après le baptême du Saint-Esprit. Je crois que la base ici devrait être claire. Si ce n'est pas clair pour tout le monde, ça devrait poser problème. Parce que c'est là le problème. Si on admet que les dons spirituels, parce qu'on dit dons spirituels, pas dons physiques, donc on n'apprend pas. Quelqu'un ne peut pas te donner. On ne peut pas forcer que ça vienne. N'est-ce pas? C'est le don de l'esprit. Et si c'est le don de l'esprit, il faut d'abord que l'esprit vienne. Nous avons donc d'abord été baptisés dans un seul pour former un seul corps. Vous voyez, n'est-ce pas? À l'un est donné par l'esprit. Le discernement des esprits, ainsi de suite, surtout les neuf qui sont cités là-bas. Alors, le vrai problème maintenant, c'est que dis-moi à quel moment tu as reçu le Saint-Esprit. Pose la question de façon générale. Dis-moi à quel moment tu as reçu le Saint-Esprit. Il te dit donc, si le don est, dis-lui. Ça, c'est une bonne question qu'on devrait vérifier. C'est-à-dire que, ok, dis-moi quand tu as reçu le Saint-Esprit. Parce que le but, ce n'est pas, je parle en langue. Je fais ceci. Le but, ce n'est pas ça. Il faut d'abord que, un, il s'établit. Puis, deux, il se manifeste comme il veut. Vous me suivez? Donc, je crois que le parler en langue, le parler en langue, vous avez les enseignements là-dessus sur le parler en langue. Réfléchissez-y seulement. Il faut que Dieu vienne en nous. D'accord? Permettez seulement le nettoyage. Dites seulement au Seigneur, Seigneur, nettoie-moi tout ce qui est dans ma vie, que je dois accepter, qui ne vient pas de toi, nettoie. Il va le faire. Et quand il va le faire, son royaume va s'établir sur le cœur. Ça va perdre le temps, vous n'allez plus balloter à tout vent de doctrine. Vous comprenez? Oui, mon frère. Voilà, j'ai une question. Oui. Quand je lis Osée 4, 6, oui. Il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissance. Oui. Quand je lis en Corinthiens chapitre 12, sur les neuf dons spirituels, oui. À l'un est donné la sagesse, uh-huh. À l'autre, don de la connaissance. Oui. Les deux connaissances là. Absolument. Les deux tests bibliques là, c'est comme. Oui. Oui. Mon peuple périt par manque de connaissance. J'arrive. À l'un est donné le don de la connaissance. Absolument. Je comprends. Voilà. Avant. La sagesse était révélée dans les Écritures, déclarée par les Lévites et les sacrificateurs sur qui l'huile était versée. Maintenant, sous la grâce, il habite chez quelqu'un. Dans un Corinthien, Proverbe chapitre, je ne sais pas si ma manière de parler, vous comprenez ce qu'il dit. Dans Proverbe chapitre 1 et chapitre 2 particulièrement, il dit que cette sagesse-là crie dans les rues, dans les places publiques. Il dit stupide, jusqu'à quand quitterez-vous la stupidité? Entrez ici, j'ai mêlé mon sacrifice. J'appelle. Puis il dit. Oh, c'est la sagesse qui en a de parler. Quand la sagesse a pris place dans la chair, il s'est tenu là, il a dit, la reine du midi se lèvera à la fin et condamnera cette génération, c'est parce qu'elle vient du septentrion pour entendre la sagesse de Salomon. Puis il dit, et voici, remarquez bien qu'elle n'est pas venue entendre Salomon, la sagesse que Salomon avait. Vous voyez là, n'est-ce pas? Puis ici, il dit, ici, il n'y a plus que qui? Salomon. La sagesse était là, c'est elle qui parle dans ses proverbes, chapitre 8. Vous comprenez cela, hein? Alors maintenant, Dieu veut que la sagesse désormais habite dans les cœurs. Or, la sagesse était dans des textes, mais déclarée par... Vous savez, la loi a été donnée. C'était les sacrificateurs qui devaient lire la loi et expliquer au peuple. Vous voyez, c'est là où ça se trouvait, n'est-ce pas? Donc, c'était les sacrificateurs qui devaient déclarer cela. Dans Osée chapitre 4, verset 6, là où il a dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Parce que dans ce Osée, il est question du fait qu'Israël abandonne le vrai Dieu. Le vrai qui sauve pour aller vers les idoles. Parce qu'il veut quelque chose de palpable. Il veut des choses palpables. C'est le principe même de oser là-bas. Alors, en faisant cela, ils ne connaissent pas, ils ne parviennent pas à assez la connaissance sur Dieu. Donc, ils ne connaissaient pas le vrai Dieu, le Dieu qu'ils servaient. Ça veut dire que Dieu le dit de façon indirecte. Si vous connaissez quel Dieu vous servez, vous n'avez pas servi les idoles. Mais ici, dans 1 Corinthiens chapitre 12, dont on parle des dons, il s'agit de cette personne-là qui vient pour manifester un de ses attributs au milieu des hommes afin qu'on voie sa gloire. C'est ça dont il est question. C'est deux connaissances différentes. Et dans la Bible, encore dans le livre des Jacques, on parle de deux styles maintenant, même de sagesse. La sagesse d'en haut qui est conciliante, paisible, vous voyez là, n'est-ce pas? Qui est là pour la réconciliation, et la sagesse qui est terrestre, diabolique. Celle qui donne les recherches scientifiques, les... Oui, mon cher. Non, j'ai pas fini. Oui. Non, oui. En fait, oui. Prenons ici, oui. Voilà, j'ai pas fini. Oui. C'est moi qui suis là. Oui. Non, et pas compris, oui. Oui. Je dis, serviteur. Oui. Donc, ouais, pour oser là, oui. J'ai compris. Hein. Oui. Mais 1 Corinthiens 12. Oui. À l'air est donné le don de la connaissance. De la connaissance. Donc, la connaissance. Là, oui. Il s'agit de quoi? Voilà. Non, c'est bon. Remarquez, il dit bien qu'il y a ces deux styles de connaissance différents. Mm-hmm. Ici, dans Osée, il s'agit de la connaissance de Dieu. Là-bas, j'ai compris. Ici, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 donne une question. Je cite d'abord tel que c'est cité. Il dit à l'un est donné, c'est par l'esprit, la parole de sagesse. À l'autre, c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance. Je veux que tu dises avec moi, la parole. C'est ça, non? Tu es avec moi, hein? C'est la parole de connaissance. Tu vois ça? Est-ce que c'est ça? 1 Corinthiens 12, ouvrez, il vous montre quelque chose. Ouvrez. 1 Corinthiens chapitre 12, maintenant on est en plein là-dedans. Si on avait seulement du temps, mais si Dieu permet un de ces jours, une autre fois qu'on vient, ces choses-là, comme ça, on prend chaque don spirituel qui est là-bas. En fait, ce n'est même pas seulement 9 dons, c'est 9 qui sont cités, mais ce n'est pas seulement 9 là-bas dedans. On essaie d'expliquer où vous voyez les manifestations. Parce que les gens prophétisent aujourd'hui, on les appelle prophètes. Les gens ont les paroles de sagesse, on les parle prophètes. On ne sait pas à quel moment c'est la parole de connaissance, on ne sait pas à quel moment c'est la parole de sagesse. Vous y êtes là, ouvrez 1 Corinthiens chapitre 12. On va aller partir du verset 3. On n'a pas de Bible, hein? Où vient? Vous y êtes, verset 3. Est-ce que tu vas pouvoir illuminer à haute voix alors? Attends, je vais lire. Ok, non, par exemple, lui vérifie. Allons-y ici. C'est pourquoi je vous le dis. Oui. Que nul, s'il parle par langue de Dieu, par l'Esprit de Dieu, de dire Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères dans le même Seigneur. Diversité d'opérations dans le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par l'unité commune. Non, pour l'unité commune. Oui. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Stoppons là-bas. Tu as vu? Une parole de connaissance. Je vais avancer là tout à l'heure. Il dit, dis-lui, c'est pas ça. Je viens vers toi, il dit, dis avec moi. Parce que si il dit connaissance, il sera en train de dire autre chose que tu n'as pas dit. Parce que la connaissance, quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu vas connaître le vrai Dieu. Mais ici, la parole de connaissance, c'est l'aptitude que le Saint-Esprit donne à quelqu'un de connaître une réponse à une situation bien déterminée, instantanément. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça, c'est un don. Or, ça, vous ne l'avez pas. La chose, c'est que vous ne l'avez pas permanemment. Je veux souhaiter prendre vraiment le temps pour expliquer ces choses-ci. Quel que soit le don spirituel que vous avez, vous ne l'avez pas permanemment. Mais vous êtes potentiellement, vous pouvez être potentiellement être utilisé par le Saint-Esprit à tout moment quand il veut. Vous savez, c'est ça. Hein? C'est-à-dire, si j'ai un don de guérison, par exemple. Souvenez-vous que vous pouvez avoir un don de guérison. Vous pouvez prier que quelqu'un guérit du palais, vous pouvez prier, il ne guérit pas du mot de tête. Vous savez aussi ça, n'est-ce pas? L'église a besoin vraiment de ces dons. Alors, si j'ai un don de guérison et que je vois quelqu'un malade, je dis, ah, j'ai le don de guérison, il faut que je le guérisse. Ça ne marchera pas. Il faut que lui, il ait ordonné. C'est pas ce que vous saisissez. Il faut qu'il, s'il n'a pas ordonné, va prier comme tu veux. Pourtant, si tu as le don spirituel, c'est un peu comme par exemple, je crois que lui, il fait droit, il va comprendre ce que son église dit. Potentiellement, un policier est là pour régler l'ordre. C'est un agent d'ordre public. Mais il n'a pas le droit d'entrer chez toi et dire que mettez-moi ce ventilateur ici dehors s'il n'a pas l'autorisation exprès du juge. Il doit venir avec un mandat qui donne l'ordre d'entrer. Pourtant, c'est un policier. Vous savez ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Mais maintenant, ce même policier-là, avec sa tenue, qu'il soit en tenue ou pas, il est d'abord policier. S'il voit en route, il voit un bandit en train de courir. Sur ce cas-là, vous voyez là, n'est-ce pas? Il peut agir directement. C'est pas ce que vous comprenez. C'est ainsi avec le don spirituel. Sauteur, oui. Donne-moi un exemple de la parole de connaissance. Un exemple. Un exemple dans la Bible où? Non, de toute façon, dans la Bible ou bien si... C'est plein dans la Bible. Si vous prenez, je vais citer quelques-uns parce que c'est pour ça qu'il dit que s'il prendrait le temps, je le fais. Le Seigneur Jésus-Christ a manifesté tous les dons. Par exemple, on l'amène chez quelqu'un. S'ouvrez dans le livre de Marc au chapitre 1 et chapitre 2, lisez doucement. La Bible déclare que quand il est entré chez lui, il y avait tellement de monde au point, il y avait un homme qui était alité. On a fait passer sur le toit, on l'a découvert, le tout là-bas, on l'a fait passer par là-bas. Lorsque le Seigneur, écoutez très attentivement maintenant, le Seigneur a dit, mon fils, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Quand il a dit ça, ça a créé les remous. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire du jeune qui a raconté, non? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'il va aller au niveau des paroles de connaissance, oui. Les pharisiens ont commencé à se poser la question. Oh, ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit. Mais qui est-ce qui peut pardonner le péché? Ils n'ont pas dit ça. Ils ont parlé à l'intérieur d'eux. À l'intérieur d'eux-mêmes. La Bible déclare que le Seigneur a connu par son esprit ce qu'eux, ils pensaient. Vous voyez, à cet instant-là, c'est la parole de connaissance qui m'a. Alors, il manifeste maintenant cette parole en disant que pourquoi avez-vous cette pensée si en vous-même? Comme si c'était difficile de parler le péché. Alors, afin que vous sachiez que sur la terre, le Fils de l'homme a le pouvoir de parler le péché. Il lui dit, lequel est plus difficile de faire? De marcher ou bien de dire, pardon, lève-toi, prends ton levain dans ta maison. C'est ça dont c'est les questions. Voilà, n'est-ce pas? C'est plein dans la Bible. Il pourrait prendre ça avec les apôtres. Avec Nathanaël. Avec Nathanaël. Nathanaël est venu comme ça là. Et voici un Israélien en qui n'y a point de. Non, je crois que c'est pour sur le Seigneur Jésus-Christ, hein, c'est compliqué. Pour lui, c'est compliqué parce qu'il est Dieu. On ne peut pas savoir. Si vous n'êtes pas le discernement, on ne peut pas savoir quand c'est Jésus qui en a parlé ou bien quand c'est le Père qui en a parlé. Vous voyez? Quand il est devant le tombeau, il dit, il pleure et Jésus pleura. Est-ce que Dieu peut pleurer, frère? Non. Après, c'est tout, il me dit, Lazare sort! Qui parle? C'est le Père qui parle là-dedans. Vous voyez, n'est-ce pas? Oh, souvent, quand il était loin depuis 4 jours, il dit qu'il m'en vais le réveiller. Il arrive sur place. Il dit que, où l'avez-vous enterré? Il ne croit pas l'avoir enterré. Est-ce qu'il ne croit pas l'avoir enterré? Il connaît l'avoir enterré. Donc, pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est difficile. Parce qu'il est Dieu, il incarne toutes ces choses. Il a manifesté tous les dons. Mais si vous êtes pratiquant de la Bible ou pratiquez la Bible, même vous-même, sans que vous le sachiez, vous avez manifesté les dons de, ces dons de connaissances si souvent, sans vous en rendre compte. Il y a des endroits où vous avez donné conseil à quelqu'un qui l'a aidé, sans savoir que c'est vous qui donnez le conseil. La personne peut aller et réussir, dire que mais mon frère, le conseil que vous m'avez donné là. Toi-même, tu dis, ah, quel conseil? Alors que c'est moi. Pourtant, c'est l'esprit qui vous a utilisé. Vous comprenez? Donc, mais si vous avez le temps, prochainement, je reviendrai, je vous assure. Amen. Je reviendrai. Amen. Je reviendrai. On va prendre ces choses-là et on va travailler là-dessus. Oui, mon cher. Voilà. Bon, on a parlé tout à l'heure de 1 Corinthiens 12 où on a parlé de diversité de dons. Oui. Voilà. Et que suivez la question, sinon, on n'allait pas, quand il va développer, on n'allait pas suivre. Voilà. Et que l'esprit distribue selon son gré. Voilà, selon son gré. Mais maintenant, ici, quand je prends Marc, on dit. On dit celui qui croira et qui sera bon. On dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des nouvelles langues. Oui. Maintenant, ici, ça c'est. Maintenant, bon, on dit, il y a plusieurs dons. Maintenant, les prédicateurs, là, est-ce que oui. Eux, ils parlent, est-ce qu'ils ont tous les dons? Bon, je ne sais pas. Tout ça ici, on dit, voici ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci. Oui. Ils feront cela. Oui. Bon, on dit il y a plusieurs dons. Et bon, je pose la question. Maintenant, là, sur ce même verset, je pose la question. Est-ce que dans ce passage-ci, est-ce qu'on a dit tout ce qu'ils sont censés faire avec les dons? Est-ce qu'on a cité tous les dons là-bas? Non, mais est-ce que dans ce Marc chapitre 17, verset 16, est-ce qu'on a cité tous les dons spirituels là-dedans? Non. Voilà. Maintenant, je vais citer le verset et ils disent que le Seigneur en avait dit pour que vous voyez ça avancer dans le temps. Ici, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Marc chapitre 16, verset 15, il dit allez, prêchez la bonne nouvelle. Souvenez-vous, il veut par là d'abord dire pour que vous partez prêcher, il faut que quelqu'un soit là pour vous accompagner. Si vous lisez Hébreux chapitre 2, verset 4, on s'est dit là-bas, d'accord? Maintenant, il dit, ceux donc qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Voici le miracle qui accompagneront. Pas qu'ils vont suivre, s'ils vont les accompagner dans leur ministère, dans leur service. Ils imposeront le malade, malades seront. Ok. Qui a cru ici? Il y a quelqu'un qui regarde d'abord le voisin pour regarder si toi tu as cru d'abord pour ça. Regardez d'abord le voisin. Ok, vous tous vous avez cru, non? Même le mot croire dans la Bible, c'est un problème. Si vous lisez la Bible de la bonne façon, vous allez voir que votre Bible, c'est un problème avec le mot croire. Vous lisez Jean chapitre 8, partie verset 30, la Bible déclare, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. On dit à ceux qui avaient cru en lui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La conversation va avancer au niveau de là où on va prendre la pierre comme ça, lui lapider. Pas vrai? On dit ceux qui avaient cru en lui. Puis un moment donné, au verset 44, il dit que vous avez pour père le. Il dit comme ça, à ceux qui avaient. Donc faites attention avec le mot croire dans la Bible quand vous lisez. Il dit à ceux qui avaient cru. Jean chapitre 8. Vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Hein? Vous lisez à chapitre 8. On dit qu'à Samarie, la parole a été prêchée au point où Simon lui-même crut. Et il ne quittait plus les apôtres. Le magicien. Il voyait avec étonnement les grands miracles qui s'opéraient. Après, quand les gens et autres sont venus pour prier, c'est par le Saint-Esprit. On dit que, ok, donne-moi aussi, il te donne combien, tu me donnes le don là, pour que tu imposes le main. J'impose le main aux gens, ils reçoivent le Saint-Esprit. Vous savez ce que l'apôtre Pierre lui a dit? Il dit que je vois que tu es dans un fiel amer. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Que prie le Seigneur pour qu'il te pardonne la pensée de ton cœur, si c'est possible. Donc, c'est ce que l'apôtre André lui dit. Mais il avait. Simon avait. Oui. Faire attention. Alors ils se sont dit, ceux qui croiront en moi, voici les miracles qui les accompagneront. Ils imposeront les mains aux malades, mais là seront guéris. C'est pour cela que vous ne pouvez pas prendre une portion de l'évangile, avancer avec vous, vous n'allez pas vous en sortir. Vous aurez toujours des problèmes. Quand vous allez prendre n'importe quoi de l'écriture, vous voulez développer, il faut voir ça dans la globalité, dans la parole. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 12. Ouvrez. 1 Corinthiens 12. Lisez le verset 28. Écoutez très attentivement. 28. Bon, il a dit. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis, ceux qui ont les dons de guérir. De secourir. Attends. Puis, ceux qui ont le don. Le don de guérir. Non. Avant, il y a d'abord quelque chose. Ouais, le don des miracles. Vous avez entendu ça, hein? Mm-hmm. Donc, il y a spécialement. Non, il y a ça, ça va pas la suite. Le don des miracles. Il y a des gens qui ont le don des miracles. Donc, si vous montez ou descendez, si ce n'est pas destiné pour vous, vous n'aurez pas. Maintenant, si je vais expliquer encore quelque chose encore. Nous sommes en train de restituer des choses, n'est-ce pas? Maintenant, il dit qu'il a établi ceux qui ont des miracles. Puis, ceux qui ont le don de guérir. Dont les miracles sont différents. Et guérison. Vous voyez ce qu'il écrit là-bas, n'est-ce pas? Ok. Voilà encore. Continue, mon frère, continue, j'arrive. Maintenant, plus ceux qui ont les dons de guérir, oui. De secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Oui. Maintenant, les questions vont commencer. Chaque fois qu'on va poser la question, vous répondez, d'accord? À haute voix, allons-y. Première question. Moi, je pose la question. Je ne sais pas comment vous avez la Bible devant vous. Je dis, mais je dis que la question va commencer maintenant. Mais du coup, il pose la question. Allons-y. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Stoppons là-bas. Stop. Ça pose problème maintenant avec Marc chapitre 16. Ouais, ça pose problème avec Marc chapitre 16 si vous ne faites pas la monnaie de la bonne façon. Ici, vous avez dit non à ce qu'on a dit tous. Ont-ils le don des miracles? Vous avez dit quoi? Non. Dans Marc chapitre 16, on a dit que voici le miracle qui accompagne ceux qui croiront, qui ont cru. Or, chaque chrétien a. Oui. Mais on dit que potentiellement, c'est censé les accompagner. Et si on pose la question que stop, est-ce que tous ont le don des miracles? Non. Non. Non, là, j'arrive. Ça, c'est simple. Non, j'arrive, frère. Allons-y. Ah. C'est pas fini. Ok. Tous parlent-ils la langue? Non. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné? Dans les dénominations, que parlez-vous tous en langue, n'est-ce pas? C'est pas ça. Mais on pose la question ici que quoi? Tous partis la langue. Si tu n'as pas parlé en langue. C'est que tu n'as pas parlé du Saint-Esprit. Vous voyez, et là, il contredit directement les Saintes Écritures. Tous ici encore, il a dit clairement que en fait, chaque chose est distribuée à chacun, comme Dieu veut. Ça veut dire qu'il peut te donner les miracles sans te donner les langues. Il peut te donner les langues sans te donner l'interprétation. Il peut donner l'interprétation à quelqu'un sans te donner les prophéties. Il fait comme il veut. Il faut que la pensée humaine quitte et laisse le Saint-Esprit faire vraiment son œuvre. D'accord? Maintenant, regardez. Ce sont ces choses, c'est la non-compréhension de ces choses qui ont fait de tels enseignants que les gens veulent à tout prix et on a fini chez les marabouts. La Bible déclare que chacun doit rester dans le couloir tel qu'il a été appelé. Et maintenant, si chaque membre dans le corps faisait vraiment sa fonction, on ne doit pas se jalouser les uns les autres. C'est-à-dire que si tu n'as pas le don de guérison, Ne jalouse pas celui à qui Dieu a donné. Parce qu'il a donné. En fait, celui qui a le don de guérison, s'il y a quelqu'un qui peut souffrir de maladie, c'est même lui. Je veux que vous compreniez cela. Il dit bien, celui qui a le don de guérison, lui peut avoir le problème de maladie, il cherche le médecin. Ouais. Tu viens, il met la main sur toi, tu es guéri. Lui, il rentre par le dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Qu'est-ce que tu me fais comme ça? Même il ne peut pas vous dire. Parce que le robinet distribue l'eau, mais ne boit pas l'eau. C'est vous qui sortez chaque fois pour aller puiser l'eau, non? Vous avez vu le robinet avoir besoin d'eau? Ça distribue, son rôle, c'est de distribuer. Vous comprenez ce que ça veut dire? Observez dans votre Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 12. Non, je vais vous citer parce que vous me perdez le temps. Et si je vais citer, vous voyez, ça se trouve là-bas. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul dit que je connais un homme en Christ, il y a seulement 14 ans, fut ravi en esprit. Vous connaissez cette histoire. Puis il dit qu'à cause de l'excellent de cette révélation, une écharpe a été mise dans sa chair. Il dit trois fois, il a prier le Seigneur de l'éloigner de lui. Vous entendez ce qu'il dit? Une écharpe, un ange de Lucifer a été mis dans sa chair. Avait-il le Saint-Esprit? Ne c'est pas celui qui a cet honneur à chapitre 17 à cette femme-là dit que toi esprit, ton don est sorti d'elle, l'esprit plutôt est sorti. Si. Pourquoi elle n'a pas chassé celui-là? Pourquoi? Il n'a pas dit je l'ai commandé. Il a dit qu'il a prié. Il a senti que l'autre si, c'est une autre dimension. Le Saint-Esprit était au frère en lui. Il s'est tourné vers le Seigneur, éloigne-le de moi. Une fois. Le Seigneur a répondu. Deux fois. Il a répondu. La troisième fois, il a dit, ma grâce te suffit. Ma puissance se révèle dans les faiblesses. Alors, souvenez-vous de ceci. Ça veut dire que les dons spirituels, ce n'est pas pour la personne qui a. Il dit, mais les dons spirituels, quand vous avez quelque chose, si on comprenait ces simples choses de la parole, on ne doit pas se jalouser. C'est l'orgueil humain, la soif de vouloir se montrer qui amène cette dislocation dans le corps. On ne parvient pas à reconnaître l'autre, une grâce qui est dans la vie des uns des autres. Dans Romains chapitre 12, verset 3, la Bible déclare que chacun ne se complète pas à lui-même, mais que chacun mette au service les uns et les autres les différentes grâces qu'ils ont reçues, les dons qu'ils ont reçus. Donc, ça veut dire que s'il y a un don, c'est pour nous, pour nous les édifier. Quand chacun, si un enseignant enseigne, parce qu'il y a le moment où le Seigneur qui a enseigné, il a enseigné. Quand il fallait manifester un don, il faisait ce don-là pour montrer les diversités de ces différents dons. Vous me suivez? Alors, c'est l'une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit ne se meurt pas. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir se combattre. C'est dans le royaume satanique qu'il y a le combat. C'est dans le Satan, dans le royaume de Satan, que Satan chasse Satan. Tu viens chez le sorcier, on te donne la maladie, tu pars chez le marabout chasse. Le marabout, c'est qui? Le sorcier. Le sorcier, c'est qui? Le sorcier. Vous voyez là, n'est-ce pas? Chez le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Chez le Seigneur, c'est la complétude. Ce qui manque en toi est complété dans l'un autre endroit. De telle enceinte que dans le don, dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, il ne manque pas, il n'y a pas de faiblesse. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce que là où semble être faible, quelqu'un est fort pour soutenir ce domaine-là. C'est ainsi le corps. Vous comprenez, frère? Alors maintenant, si tous étaient avec le don pour imposer les malades, ils seront guéris, l'orgueil monterait. Je n'aurais pas besoin de toi. C'est parce que j'ai besoin de toi qui peut être ici. Si j'étais prédicateur, vous voyez comment je prêche, n'est-ce pas? Ah, il connaît les écritures, Je n'ai pas appris cela. C'est par grâce. Je n'ai pas appris. Alors, lorsqu'il me tient ici, supposons que je sois un excellent prédicateur. Qui est ça, qui prêche? Ça me servira à quoi? Vous avez le don de guérison. Il n'y a pas de malade. Ça va vous servir? Tu vas marcher aller dans le mur et dire que j'ai le don de guérison. J'ai le don de guérison. Vous allez faire ça? Vous me comprenez, frère? Alors, souvenez-vous de ceci. S'il y a un don de guérison, il y a le besoin de guérison. S'il y a un don de miracle, il y a besoin de miracle. Et comme sur la terre, il y a la maladie et là-bas, ces dons doivent être sur la scène. Aspirez donc au don spirituel. Mais voici la pierre d'achoppement. N'aspirez pas au don spirituel pour étonner. Ça ne viendra pas. N'aspirez pas au don spirituel pour étonner. C'est-à-dire pour se montrer. Pour qu'on s'en mette maintenant comme ça là. Dit que je veux quelqu'un ici qui va donner 500 000. Vous avez vu comment il a guéri celui-ci, non? Ça ne vous servira à rien, ça va vous détruire. C'est pour cela que le Seigneur doit travailler d'abord les caractères. Travailler les caractères avant que les dons viennent ensuite. Sinon, vous allez vous auto-détruire. Vous savez, n'est-ce pas? Que non, donne ton terrain, on construit maintenant. Je veux quelqu'un qui on va construire un truc de 25 000 places. Il nous faut une chaîne de télévision. Dieu n'a pas besoin de publicité. C'est exprès qu'il a fait des nettes à une époque où il n'y a même pas de dessinateur. Qu'il n'y a pas de caméra. Pourquoi on ne le filme pas? Vous lisez comme ça pour que ça soit de cœur à cœur. Que le message soit cœur à cœur. Même maintenant, quand il agit dans le silence. De telle enceinte que vous regardez avec vos yeux, vous ne pouvez pas voir. Il faut que vous soyez des dieux pour savoir qu'il est à l'œuvre. Dans ce moment, dans cette génération de scientifiques. Vous me suivez, frère? Alors, avant d'aspirer le don spirituel, sondez votre cœur, les motivations de votre cœur, pour savoir si oui, vous cherchez ça pour l'édification commune, pour l'avancement du royaume. Vérifiez bien ça, ne vous trompez pas. Et faites tout pour être rigoureux avec vous-même. Qu'il ne faut pas qu'il prenne ça, hein, pour que si j'ai ça. Ah, j'ai pas d'argent. Regarde comment Crasso a fait comme ça. Il a l'argent. Moi, je vais mettre ici, là, c'est 250 000 pour voir le prophète. On ne vient pas chez le serviteur de Dieu, même vide. Hein, ne faites pas ça, ça ne viendra pas. Satan viendra vous proposer et vous allez avoir des problèmes avec Dieu plus tard. Le don spirituel s'obtient gratuitement. C'est dispatché gratuitement. C'est l'ordre de la Bible. Et s'il n'y a pas amour, oui mon frère. Dernière question. Oui. le Saint-Esprit n'est pas visible. Oui. À quel moment un chrétien peut dire que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? Bonne question. C'est la question qui me tourne ici depuis que je suis entré dans votre pays pour vous dire, pour vous pousser à bout, pour que vous posiez la question. Vous devez vous poser la question. C'est individu, vous devez vous poser cette question-là. Observez donc votre vie et observez la vie des chrétiens de la Bible. Vous voyez si c'est aligné. Si c'est aligné, vous êtes là. Si ce n'est pas aligné, posez-vous des questions. Eux, ils n'ont pas de problème. Ceux qui sont dans les Écritures n'ont pas de problème. Attends. Vos questions suscitent des enseignements qu'il faut que je prenne du temps pour entrer là-dedans. Parce que s'il y a une remise en cause, en ce moment, c'est à cause de là. Je crois qu'il faut que je mette ça quelque part là, et puis je reviens là-dessus pour avancer tout à l'heure dans l'enseignement. Oui. Donc, concernant les dons spirituels, vous dites qu'ils ne sont pas en permanence dans la vie des chrétiens. Oui. Quand il prend le cas des dons de libéralité, oui. Est-ce qu'il y a une limite? Non, le don de libéralité, ce n'est pas un don spirituel. Il faut faire attention avec les dons ministériels et avec le don spirituel. Le don spirituel, c'est l'aptitude de prendre des choses dans l'esprit, les choses que Dieu a réservées pour les faire manifester sur le plan physique. Au ciel, on n'a pas besoin de guérison. Les gens ne sont pas malades là-bas. On n'a pas besoin de miracles là-bas. Les miracles, on a besoin sur la terre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous me suivez? Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 16, la Bible déclare que ce sont les choses que Dieu a mis en réserve pour ceux qui l'aiment. Ces choses-là, Dieu nous les a révélées par l'esprit. Donc, il y a un magasin des choses qui concernent le royaume des cieux. D'accord? À part le don spirituel, donc vous prenez quelque chose qui concerne. Je ne souhaitais vraiment pas le temps pour dire ces choses. Quelle est la différence alors? J'arrive quelque part. La libéralité, vous pouvez l'avoir. Il y a déjà ceux qui sont libéraux d'abord pour commencer. Même avant d'être chrétien, ils sont comme ça. Ouais. C'est-à-dire avant que vous soyez chrétien, vous avez du mal à laisser quelqu'un souffrir. C'est ça. Parce que le cœur est fait comme ça. L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Vous manifestez l'amour parce que Dieu a expressément mis le désir d'aider dans le cœur. Les mains sont semblables. C'est pour ça que la loi se résume à ces deux commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On n'a pas besoin de dons spirituels pour entrer là-dedans. Il a donné à plusieurs endroits les exemples comment faire pour mettre ces choses en pratique là. D'accord? Si tu vois ton semblable souffrir, c'est cette compassion-là. Or, il y a des gens que malgré qu'il aura l'argent, comme dans celui de Matthieu, chapitre 12, monsieur qui avait son champ, avait produit, il a cassé d'abord davantage des greniers. Puis il a dit, mon âme mange de la nourriture pour des années. Dieu a dit quoi? Insensé. Aujourd'hui même, ton âme te sera demandée. Et pour ce que tu as amassé là, pour qui serait-il? Puis il dit que c'est ainsi donc pour toute personne qui est riche pour lui-même et non pas pour Dieu. Vous voyez que celui-ci avait la libéralité. Il avait des grandes richesses, mais il ne savait pas avoir la libéralité. N'est-ce pas, mon frère? Maintenant, vous lisez le livre de 1 Timothée, chapitre 6, le verset 17, nous dit qu'on recommande aux riches de ce présent siècle d'être riches en libéralité. Donc, il faut qu'il y ait un enseignement qu'on dit aux gens que quand vous avez quelque chose de beaucoup là, sachez que ce n'est pas pour vous seul. Dieu vous donne pour que vous soyez distribué. Il faut cet enseignement-là pour les chrétiens. N'est-ce pas, frère? Alors, la libéralité, ce n'est pas un don spirituel. Il y a là-bas les dons ministériels, il y a les dons spirituels. Dans 1 Timothée, la Bible parle des anciens qui dirigent bien. Tu as vu? Ça, on n'a pas parlé de ceux qui enseignent, ceux qui dirigent bien. Il y a des anciens, mais qui ne sont pas là pour les enseignements. Donc, il faut faire la part des choses, d'accord? Il y a des dons hommes maintenant. Des dons hommes, c'est-à-dire qu'un être humain qui est don pour l'humanité. C'est ça dont la Bible parle dans Éphésiens chapitre 4, des apôtres, prophètes, évangélistes, etc. Eux-mêmes, leur personne, même c'est déjà un don. En dehors du don spirituel qui va accompagner dans leur propre ministère maintenant. Vous comprenez? Donc, c'est que votre préoccupation, j'ai mis ça là-bas, je vais prendre là-bas tout à l'heure, on va avancer là-dessus. Oui, mon frère. Voilà, tout à l'heure, pour le parler en même temps. Oui. Bon, il y a dans, je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 14. Chapitre 13, verset 1, les langues des anges. Oui, voilà. Quand il parlera les langues des anges. C'est ça. Oui, allons-y. Parce que la fois passée, oui. On a dit que la langue, comme on appelle, donc pour la parler, en fait, c'est la langue des hommes. Oui. C'est la langue qui est comprise sur la terre. Mm-hmm. Moi, je peux ne pas comprendre, l'autre peut comprendre. Mm-hmm. Voilà. Mais ici, Paul parle de la langue des anges. Oui. Vous savez ce qu'on a utilisé dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, tout à l'heure, les questions qu'on a posées là, n'est-ce pas? Il dit, dans 1 Corinthiens 12, tout à l'heure nous avons lu, il dit, tous sont-ils apôtres, vous avez dit quoi? Non. Tous sont-ils prophètes? Les séries de questions qui sont là-bas ont les mêmes réponses. Il dit bien, la série de questions qui est posée là-bas ont les mêmes réponses. Si tu commences à dire oui à un, tu es obligé de dire oui sur le reste. Si tu dis non, tout le reste c'est... Non. Alors dans 1 Corinthiens 13 maintenant, c'est amusant. Là, je vais encore vous poser des questions. 1 Corinthiens chapitre 13, lisons à partir du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je n'ai pas... Il y a un mot, oui. Et si je n'ai pas la charité, Je suis un airain qui résonne. Oui. Ou une cymbale qui. Qui retentit. Vous entendez ce que le grand frère dit là, hein? Bon, maintenant, les sons s'est passé. Il a dit quand je parlais la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, l'amour, je suis comme un tonneau. Vous savez, mettez le tonneau sur la colline quand ça vide. Vous allez entendre le bruit que ça fait. D'accord. Maintenant, laissons cette partie-là. Je vais avancer. Moi, revenir là maintenant. Allons-y. Et quand j'aurai le don de prophétie, oui, la science de tous les mystères. Stop. Vous connaissez quelqu'un sur la terre qui connaît tous les mystères dans le monde? Non. Vous connaissez quelqu'un qui a le don de toutes les prophéties? Non. Continuons. Et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Vous avez vu quelqu'un sur cette terre qui a la foi jusqu'à transporter les montagnes? Répondez-moi, frère. Ouais. Non. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Absolument. Maintenant, ferme la Bible, je vais parler. Tu as compris? Ok. Donc, n'avance donc plus. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir donc que ces problèmes s'y viennent. Moi, je ne comprends pas les pentecôtistes. Je ne comprends pas. Je ne sais pas où ils sortent avec ces choses-ci. Je ne peux pas savoir comment quelque chose peut être clair dans la Bible sur plusieurs endroits. On vient dans un endroit qui est obscur, entre guillemets. Et on prend cela pour en faire une doctrine. Parce que c'est le seul endroit où on parle de la langue des anges, ouais, potentiellement. C'est le seul endroit. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, verset 22 et suivant, dit que, après avoir expliqué sur le parler en langue, la manifestation dans l'église et comment il faut utiliser, il dit que c'est pourquoi Esaïe avait dit dans Esaïe chapitre 28 que c'est par des langues d'un autre peuple que je parlerai à ce peuple-ci. Vous voyez, il parle que ces langues-là, que les langues sont un signe pour les non-croyants. N'est-ce pas, frère? Il dit que parce que Dieu avait dit par Esaïe que c'est par la langue d'un autre peuple, pas d'une autre dimension, d'un autre peuple, que je parlerai à ce peuple. Donc, il met clairement que Esaïe parlait de langues que Dieu avait parlé. Et c'est ça dont il a dit de parler. On laisse ça, on ne peut pas dire autre chose. Mais vous me comprenez, n'est-ce pas? Comprenez très attentivement. Alors, vous allez prendre un pentecôtiste. Vous lisez. Il y a de ces choses que j'ai entendues. Vous lisez Romains chapitre 8, verset 16 et suivant. On dit que l'esprit, comme intercède pour nous dans nos faiblesses, car nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander. Après, il dit maintenant que c'est pour ça que vous ne connaissez pas ce qu'il faut demander. Priez en langue. Quand vous priez en langue, Satan ne comprend pas. Ça fait que les bénédictions viennent. Vous priez depuis comme ça vient. Mais quand tu pries, ton corps chauffe. On vous a demandé quelque part de vous chauffer. Est-ce qu'il y a une prescription que vous soyez chaud? Il n'y a pas prescription comme ça, n'est-ce pas? Donc la prière ne fait pas chauffer. Il faut prier en langue. On dit qu'en est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus. Maximum combien? Maximum combien? Trois. Maximum. Deux ou trois au plus. Donc, dans une assemblée chrétienne, au plus, c'est trois. Pas n'importe comment. Chacun à son tour. Donc, quelqu'un parle en langue. Il s'assoit, l'autre, il y a une interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, on ferme sa soupape. Que le tuyau d'échappement soit fermé. Une personne parle et s'assoit. Après, une autre personne parle et s'assoit. Une personne parle et s'assoit. Si toi atteins et que l'autre a la langue, il retient. C'est l'ordre de l'écriture, on ne peut pas faire comment. Il y a des choses à faire. Mais ne vous inquiétez pas. Quand le nettoyage sera fait totalement et qu'il va souffler fou, il y a des questions que vous ne poserez plus. Vous saurez ce qu'il y en est. Tant que vous avez le faux billet devant de vous, vous n'avez pas d'appareil pour faire, pour essayer de savoir si c'est le faux billet. Vous allez toujours tendre ça avec le soleil. Vous allez faire comme ça, c'est le grand. Ce sont les questionnements. Mais quand vous avez l'appareil, vous ne posez pas de questions. Quand vous avez le bruit, quand vous allez en banque ou dans les boutiques qui se respectent, quand vous donnez le billet à celui qui est là-bas dans les boutiques, ce n'est pas vos beaux yeux qui regardent, pas vrai? Il prend le billet, passe dans l'appareil. Si l'appareil dit si c'est un faux billet, quelle qu'en soit que tu es en train de raconter, l'appareil a dit le contraire. Il faut que vous ayez l'appareil. Il faut que vous ayez l'appareil pour tester le vrai du faux. Pas vrai, frère? Que Dieu vous bénisse. Il prend la question là-bas. Oui. Monsieur le frère Achille, ce matin, j'ai écouté l'enseignement sur les appelés. Oui. Les fidèles. Et les élus. Je vais approfondir un peu ma connaissance. Quels sont les amis de l'époux? Non, c'est la question que je posais là-bas. Tu écoutes les questions que j'ai posées. Tu viens me poser ici là maintenant. Hein? Je pose les questions pour vous pousser à la réflexion et à chercher la parole. On ne peut pas tout vous donner comme ça, non, sinon ça ne vous servira pas. Non, la question n'est pas posée là-bas, c'est moi qui pose la question. C'est que tu as écouté quelque part d'abord, parce qu'il a posé la question quand même quelque part. Ah bon? Vous comprenez la question qu'il pose. Je vous ai posé la question. Je vous ai dit, vous souvenez, chaque chrétien, j'ai dit c'est la dernière fois, qu'est-ce que l'église attend devant elle? Vous avez dit quoi? L'enlèvement de qui? L'épouse. De l'épouse, n'est-ce pas? Alors l'épouse va dans la noce, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question. Si vous posez cette question de la bonne façon, ça va pousser à entrer dans les Écritures. Alors l'épouse est appelée, est enlevée de la terre pour assister à la noce, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ça veut dire que c'est elle qui a l'honneur au ciel. C'est ça. Alors dans ce cas, quels sont ceux qui sont invités au mariage? Vous devez répondre à cette question. Vous devez poser cette, vous devez répondre à cette question. Parce que la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 19, verset 16, on dit heureux tous ceux-là qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Donc, il y a celle qui est la principale. Le jour de le mariage, les personnes qui sont assises à la table VIP, c'est la femme qui est là-bas avec son mari. Les autres sont les invités de la mariée. Vous pouvez m'indiquer dans la Bible qui sont ceux-ci. Allez chercher, c'est ça dont il est question. Et vous allez voir des choses amusantes dans cette Bible-là. Amusantes. Des questions, frère? Il vous dit comment? Il vous dit comment? Oui. Bon, en fait, vous avez donné une série de passages à méditer. Oui. Bon, lors de ma méditation, il y a deux passages. Il y a le passage de Marc, chapitre 11. 11, oui. Où Jésus a dit que tout ce que vous demandez par la foi, croyez-vous le verbe, si vous le voulez, s'accomplir. Voilà. Oui. Et maintenant, il y a le passage de Luc 11. Oui. Où il est dit on n'a qu'à persévérer. Persévérer en demandant. Voilà. Bon, je voudrais savoir à quel moment un chrétien peut savoir qu'il. Qu'il a reçu ce qu'il a demandé. Et puis bon, de ça, c'est ma... ça, c'est mardi. Il m'a dit qu'il veut parler de comment prier par l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, il y a de ces sujets dans cette parole-ci, là, que si vous comprenez, vous n'allez plus chercher des choses dehors. Amen. Amen. Une question. Oui. Moi, je voulais... c'est conseil, en fait. Je vais parler, mais je veux que tu me donnes un conseil. Oui. C'est ça. C'est ton avis, quoi. Mm. Bon, on a un serviteur de Dieu au quartier là-bas. Oui. Il est venu à lui-même la dernière fois ici. C'est un homme de Dieu. Il avait des voitures, il avait les moyens. Mm-hmm. Mais il a perdu tout. Mm-hmm. En un clin d'œil. Il a fait quelque chose. Mon mari, il était fâché. Vous entendez là-bas, hein? Il a fait quelque chose. Je sais pas comment vous parlez ici. Si moi-même je parle, vous allez entendre. Bon, il a fait quelque chose à mon mari, oui. Qui n'était pas bien. Donc, comme bon, c'était un serviteur de Dieu dans le quartier, il s'est allé le voir, d'aller demander pardon à mon mari. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça fait qu'on a commencé à se sympathiser. Voilà. Du coup, on fait ce qu'on doit faire. Mm-hmm. Maintenant, cet homme-là, vraiment, franchement, dit il a des problèmes sérieux que nous, on n'arrive pas à comprendre. Le soutien qu'on peut faire, selon la Bible, on a fait. Mm-hmm. Mais on a remarqué que, moi j'ai remarqué, mm-hmm. qu'il abuse de ce qu'on fait pour lui donner. Oui. Parce qu'il ne peut pas nous appeler un jour sans dire, ah, je suis demandé, parce que c'est mon mari qui l'appelle un jour, il a dit, bon, pour moi je ne travaille pas, il n'y a pas l'argent. Bon, non, non, laisse à ce niveau-là. Quel est le problème? Le problème est que chaque jour, il est là. Il est là. Tu aimes la Bible? Mmh. Tu aimes la Bible? Mmh. Si tu lis les passages là-bas, tu vas accepter. Parce que tu as dit que mon conseil, il ne peut pas donner mon conseil. Mmh. Parce que si tu donnes mon conseil, ça ne t'arrange pas, tu vas chercher un autre conseil. D'accord. Donc, pourquoi tu ne cherches pas un autre conseil? Tu donnes le conseil de la Bible. Comme ça, tu n'auras pas le choix. Y a pas de problème. On ouvre la Bible. Mmh. Luc chapitre 6. Regardez très attentivement. Essayez par tous les moyens d'aider les gens plutôt avec la parole. Pour que vous n'ayez pas de problème avec Dieu. Parce que si c'est la parole que vous présentez, c'est Dieu qui a dit. Il n'a pas terminé. Non, non, ne t'inquiète pas, on a compris la quintessence. Je pars sur la base qu'elle a dit, c'est un serviteur de Dieu. Je ne lui pose pas la question que qui lui a dit, c'est un homme de Dieu. Voici encore un autre sujet qu'on peut plus pour prêcher. Le simple fait de dire serviteur de Dieu. Si c'est un serviteur de Dieu, vous devez, si vous avez déjà la certitude que voici un serviteur de Dieu, c'est que vous allez ouvrir la bouche pour faire ou bien pour dire, vous devez mesurer le prix. Vous devez mesurer ce qui va vous sortir de votre bouche. Parce que c'est un serviteur de Dieu. Tout ce que vous faites contre lui, vous faites ça contre qui? Dieu. Donc faites attention. Dans Matthieu chapitre 25, vous vous souvenez, dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 30, le Seigneur Jésus a dit que le royaume de Dieu, le jour qu'il va venir s'asseoir, il va mettre les brebis à sa gauche et les boucs à sa droite et les boucs à sa gauche. Il va dire à ceux-ci, entre ici parce que, et à l'autre, entre ici. Ceux qui vont entrer vont dire, mais quand avons-nous vu avoir faim ainsi, il dit que toutes les fois que vous avez fait ces choses à un de ces petits qui croient en moi, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, faire quelque chose à quelqu'un qui porte le nom de Christ, c'est à qui vous avez fait? À Christ lui-même. Ok. Manquer de faire, à qui vous avez manqué? À Christ lui-même. Les deux groupes sont devant le Seigneur. verset 36. Vous êtes dans Luc chapitre 6. Verset 36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Oui. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Stoppons là-bas. Vous avez j'ai fait exprès pour que par l'ordre, pour que vous suivez, pour que quand il y avait le pont, vous compreniez. On va rentrer encore plus haut. On va prendre à partir du verset 25 tout à l'heure. Là. Regardez attentivement. Elle dit que c'est parce que lui, il exagère. Je veux que. Suivez bien ma question. Vous êtes. Qui ici est chrétien depuis? Levez la main. Ok. Depuis que vous êtes chrétien, depuis ça fait longtemps que vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien longtemps, n'est-ce pas? Ok. Depuis que vous êtes chrétien longtemps, combien de choses avez-vous demandé à Dieu? Dieu. Si lui s'est fatigué de vous, vous devez vous en sortir. Il dit, si lui s'est fatigué de vous, on va s'en sortir. Non. Ça veut dire que notre relation avec le Seigneur, c'est une relation permanente. Notre histoire avec le Seigneur, c'est une histoire permanente et même définitive. Et par conséquent, la parole qu'il a dite dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, en disant, invoque-moi et je te répondrai. Il n'est pas dit, ne m'invoque pas trop. Il a dit ça, frère. Quand tu ouvres Jérémie, chapitre 33, verset 3, aujourd'hui, ça dit quoi? Demain, tu ouvres, ça va dire quoi? 25 ans après, ça va dire quoi? Est-ce qu'il lui est fatigué? Ça veut donc dire quoi? Reviens verset 25. En descendant maintenant. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans les deuils et dans les larmes. Oui. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Oui. Car c'est ainsi qu'agissait le Père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Attendez un moment. Vous aimez la parole du Seigneur, non? Amen. Ce qu'il dit là, c'est un commandement ou pas? C'est un commandement. Maintenant, premier commandement, allons-y. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Vous avez entendu? Donc si ton ennemi te déteste, tu dois faire quoi? Amen. Deuxième commandement. Faire du bien à ceux qui vous haïssent. Vous avez entendu? Les chrétiens n'aiment pas les gens de passage, c'est comme ça là. Ils aiment les gens où on dit que je serai la tête et non la queue. Même quand ce n'est pas comme ça que c'est écrit. Il dit, si tu obéis, je ferai de toi la tête et non la lui, de face des commandements, il écrit pour lui que je suis la tête et non la queue. Ah, les pentecôtistes, continuons, troisième commandement. Bénissez ceux qui vous maudissent. Vous avez entendu ça? Mais aujourd'hui, c'est le feu. On retourne à l'envoi. Continuons. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous avez entendu? Continuons. Si quelqu'un te gifle sur la joue, présente-lui l'autre. Donc aujourd'hui, c'est l'autre personne va dire que non, même lui, il était dans le temple, prend la chicot, chicoter les gens. Il va dire Jésus avait oublié l'autre personne. Continuons. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Continuons. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Continuons. Que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Donc ça veut dire que si tu ne veux plus que. Si tu veux qu'à un moment donné, tu pries même le Seigneur et que le Seigneur dit que tu me fatigues, chaque jour tu ne fais que demander. Dis ça aussi à quelqu'un. Continue. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré. Vous en aurez-t-on. Vous en saura-t-on. Vous en saura-t-on. Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous saura-t-on. Les pécheurs aussi agissent de même. Oui. Et si vous prêtez à ceux qui vous espèrent recevoir, quel gré en saura-t-on. Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis. Faire du bien et prêter sans rien espérer. Stop. Tu as entendu ça? Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit donner sans rien. Sans rien demander du tout. La Bible déclare dans Philippiens au chapitre 4, verset 12 et 13, il dit que faites toutes choses sans murmure ni hésitation. L'hospitalité doit être exercée sans murmure. Parce que les murmures faites derrière une hospitalité égale zéro. Les murmures faites après une hospitalité, vous perdez le temps. Dans Galates chapitre 6, le verset 7, 8, 9 et 10, la Bible déclare, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. celui qui semera pour sa chair, moissonnera de sa chair la corruption. Mais celui qui semera de l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Puis il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons autant. À condition que nous. À condition que nous ne nous lassons pas. Donc tu dois moissonner à condition que tu ne lasses pas. Vous pouvez faire du bien aujourd'hui. Vous faites du bien demain. Demain, vous dites, ah, vous exagérez. Alors que c'est la dernière personne là qui devait faire que ça déclenche ce que vous attendez. Donc en fait, la vie chrétienne, c'est que quoi en réalité, en résumé? C'est que tu fais du bien. Même si on te maltraite, tu fais du bien. C'est en cela que résume la vie chrétienne dans la vie pratique. Donc quand tu dis, tu exagères. Ok. Si demain, là, dans votre quartier, là, tu entends qu'on a rattrapé le poids parce qu'elle allait voler dans un champ, tu vas dire quoi? Je croyais que c'était un pasteur. Non. C'est pas ce qu'elle va dire. Elle va même dire que j'ai ma soeur là-bas. Je ne le connais pas. Parce qu'il ne veut pas porter l'opprobre. Or, c'est légitime. Écoutez très attentivement. Luc chapitre 16 maintenant. C'est légitime pour un croyant. Et c'est de notre responsabilité en tant que croyant de veiller les uns sur les autres. Même si ce n'était même pas un croyant. Parce que dans ce livre de Galates qu'il vient de citer, il dit que faites du bien à tous et particulièrement à ceux qui sont dans la foi. Vous comprenez ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Dans Job chapitre 14, la Bible déclare que celui qui souffre doit avoir la compassion d'un ami, même s'il rejetterait la crainte du Tout-Puissant. Donc même s'il vit dans le péché, quand quelqu'un a besoin de la miséricorde, tu dois exercer la miséricorde. Vous n'allez pas prendre la passe de Dieu en disant que non, c'est parce qu'il vit dans le péché. Qui pêche pour ça, qui paye pour cela. Si toi tu vivais dans le péché, quelque chose t'est arrivé et que tu étais dans cette situation, on se moque de toi, tu serais que tranquille. Nous tous, nous avons été pécheurs et c'est par la miséricorde que nous avons été délivrés de cela. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dans Luc chapitre 16, lis-nous verset 8, mon cher. Verset 8. Le mec loua les corrompus infidèles de ce qu'il avait agi prudemment. Oui. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de lumière. Dans ce livre de Luc chapitre 16, le Seigneur donne la parabole de l'économe infidèle. Un monsieur qui donne sa boutique ou bien n'importe quoi à quelqu'un de gérer. Puis il entend que, est-ce qu'il se connaît que le garçon qui jette est bien là en train de dilapider au quartier? Il dit, ah viens. Qu'est-ce que j'entends là? Tu ne dois plus occuper le poste là. Alors, fais le bilan et donne-moi vraiment la caisse. Le gars dit, ha ha. Comme je travaille ici, j'avais de l'argent. Maintenant, ce qu'il avait laissé, est-ce qu'il va aller au champ? Il dit, je ne peux pas. Je vais aller manger, je ne peux pas. Voilà ce qu'il veut savoir. Il sait ce qu'il veut faire. Il dit, toi, tu devais combien à mon maître? 80. Mais ici, 40. Qu'est-ce qu'il a dit de faire? Il a dit de créer des relations avec ce qu'il en est. Parce que là, maintenant, tu lui es redevable, il te sera redevable. La Bible déclare que, au verset 8, que le maître, le économe là, il a entendu ce que le monsieur avait fait. Il dit, waouh. Il a loué l'économe infidèle. Il dit, gars, tu es trop fort. Yes, tu es vraiment trop fort. Okay, yes. Parce que c'est son bien. Parce qu'on lui a donné la sentence. Que viens faire le bilan de ta gestion. De toute façon, tu ne seras plus là. Puisque je ne perds rien. Je ne serai plus là. Donc, je fais pour me préparer la sortie. Alors, il fait que tu devais combien à mon maître? 100. S'il dit que, donne les 100 là-bas. De toute façon, son maître ne doit plus l'admettre là-bas. Il dit, écris 50. Quand tu finis d'écrire 50 là-bas, son maître prend 50, non? Demain, il dit que tu avais écrit combien là-bas? Il 5 ans, il donne 25. Pas vrai, frère? La Bible déclare que on a loué l'économe infidèle. On dit économe infidèle. Puis Jésus donne une parabole. Il dit, car les enfants de ces siècles sont comment? Prudents vis-à-vis de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Donc ce qu'il a fait là, c'est ce que nous devons faire. Non, c'est pas fini. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Pour qu'ils vous reçoivent dans les... Non, pas pour qu'ils n'aient. Il n'y a pas de nez là-bas. Pour qu'ils... Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles. Tabernacle éternel, au jour où mort, quand ça viendra vous manquer. Vous voyez ce que le Seigneur Jésus a donné comme enseignement? Si on pouvait seulement assimiler ces choses dans les Écritures. Il dit, et moi, je vous dis, faites-vous des amis, créez des relations avec le bien éternel, ce bien éphémère. La Bible enseigne d'abord que le cadeau, le présent, aveugle. Les gens du monde connaissent ces choses-là. On nomme un gouverneur. Vous voyez, un papa sort du village comme ça, il attrape la plus grande chèvre. Il prend le plantain, il part voir le gouverneur. Il dit, voici ce qu'il y a d'élevé pour toi, et il donne. Tu prends ça, il t'a eu. Comment il a pris le truc-là? Tu manges, à la maison. Quand il y a un de ses fils qui ne savait pas, il dit que viens, on part chez le gouverneur, un prochain. Comme il avait amené la poule, maintenant il amène son fils. Il vient, il s'assoit, assieds-toi là-bas, il s'assoit. à cause de la chair que tu as mangée, tu es obligé de faire quelque chose. Il a créé comme ça un rapport. Mais les chrétiens ne connaissent pas ces choses-ci. Les chrétiens ne connaissent pas cela. Alors, il s'assoit là-bas et dit que ton fils ici va devenir un bandit. Si toi, tu entends que demain ton fils est devenu bandit. Et comment il ne dit pas son fils, il dit le fils du gouverneur. Vous voyez, il dit ton fils il va devenir bandit. On fait comment avec lui? Il dit, oh, pourquoi tu déranges ton père comme ça? Fais ton dossier, tu viens avec. Et voilà le fils qui est entré à cause du cadeau qui est entré dès le départ. Vous voyez? Or, nous sommes ici, vous êtes ici, vous êtes assis ici. Beaucoup d'entre vous, vous avez des relations avec des personnalités, avec des gens qui sont bien placés. Et là, beaucoup d'entre vous, vous avez des jeunes gens ici, à l'école, à la modèle, vous d'entre vous, vous êtes jeunes, des diplômés. À quoi sert ces relations que vous avez? Entre eux, des francs-maçons, des rosicruciens, ils se rencontrent. Celui qui est au pouvoir amène son fils qui est rosicrucien, il met là-bas. S'il n'est pas là demain, son fils prend le pouvoir. Il continue à roter comme ça. Pourtant, vous pouvez faire quelque chose. Utilisez donc votre relation pour les enfants du Seigneur. Vous me suivez? Ou bien je parle encore mal ici. En fait, c'est vous de votre roi. Il a dit que vous devez faire cela. Il dit pour que quand ça va venir à vous manquer, ils vous recevront dans leur maison quand ça va venir à vous manquer. Donc, ça veut dire que si tu es bien positionné aujourd'hui, attends-toi. Et pour un changement de gouvernement. Et toi, tu es en bas maintenant, lui est en haut. Donc, faites quelque chose. Vous avez de la position. Vous ne pouvez pas travailler. Vous voyez que quelqu'un peut travailler. Faites que quelqu'un travaille. Demain, il va dire qu'est-ce qu'il veut faire à ce type-ci. Il ne peut même pas faire. Il voit un de tes enfants qui a des souffrir. Il dit que prends. Avec le droit, quoi, la moralité que ton papa m'a donnée. J'ai une dette morale de le faire. Il fait pour ton enfant. Et même si tu ne fais pas pour ton enfant, c'est un enseignement que ce qu'on a fait pour toi. Fais pour les autres. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est notre style de vie là-bas. On doit vous enseigner ces choses-là. Donc vous êtes ici, vous avez des relations. Vous avez peut-être votre papa un bureau ou bien quoi, un grand truc marketing ou bien en relation avec le gouvernement. D'autres sont allés chercher le travail. Vous restez comme ça pour dire j'ai la joie dans mon cœur. Hey, Jésus est la source de joie, c'est ça? Après, on va chanter comme ça, il y a la relation de vie. Les gens seront à côté de vous en train de prier. Après, un de ces jours, il vient dire que pardon, demain, sans faut qu'il peut être assis. Quand on se lève pour saluer les gens, les uns et les autres, tu le vois, tu fuis parce que tu sais qu'il va te demander la haine assis. Tu l'esquives. Si je ne veux pas qu'il te demande la haine assis, donne-lui le travail. Il sait que peut-être il dérange, mais je suis obligé de vous dire la vérité. Si vous lui donnez le travail, demain c'est lui qui va aider quelqu'un pour l'argent est assis. Après, il va regarder qu'on lui a fait ça comme ça gratuitement. Il va regarder aussi quelqu'un qui est à côté. Quand il va aussi avoir une relation, il va prendre quelqu'un. La Bible déclare au milieu chrétien qu'il n'y avait point d'indigents au milieu d'eux. Ouais, parce que tout était commun. Mais comme on est dans un style de compétition de notre orgueil, chacun veut que quand il arrive, on entend parler de lui. Quand il arrive, que ce soit lui qu'on voit. Et ne faites pas cela. En milieu chrétien, c'est pour cela que les chrétiens sont c'est le groupe qui n'a pas de tenue. Si vous appartenez à un groupe qui a des tenues, vous avez des problèmes. Les apôtres n'ont pas de tenue, les personnes n'ont pas de tenue, parce que nous tous, nous sommes identiques. C'est pour ça que Dieu nous a donné un bon titre, frère. Donc que tu sois colonel, président, tu entres ici, c'est quoi? C'est frère. Vous comprenez? Alors, ça veut dire user de tout ce que vous avez comme moyen pour que les autres en profitent. D'accord, frère? Que Dieu vous bénisse. Donc, s'il n'y a plus de questions maintenant, je vous donne 5 minutes, puis je prends ce qu'il est là maintenant pour parler. Oui, non. La fois dernière, quand on était au dehors là-bas, il était posé une question par rapport à le frère de maman. Oui. On avait dit de poser la question. Oui, à haute voix. Pas la haute voix que les gens. Vous entendez là-bas derrière? Non. Je souffre avec vous. Hein. Non, il dit la fois dernière, on était au dehors. Oui. Il était posé la question par rapport à le frère Georges Nama de Jésus-Christ. Oui. Tu m'as dit si on rentre dans l'assemblée ensemble de poser la même question. Oui. Parce que tu veux me poser une question que je vais répondre pour que chacun me pose la même question quelque part. Il dit pose là-bas. Si les gens ont les mêmes questions qu'on pose, que tout le monde répond. Parce qu'il n'y a rien à cacher. Oui. Quelle est ta question alors maintenant? Combien de temps tu as oublié? Ma question c'était pour savoir si Georges Nama il a été en contact avec vous. Vous avez suivi la question. Qui connaît Georges Nama? Vous êtes les fans ici. Hein? Non, je ne suis pas fan. Non, il demande si les... Comment? Moi, je ne suis pas fan. Je le suivais, mais après, il y a... Pourquoi tu le suivais? Tu as arrêté, pourquoi? J'ai vu des choses, en tout cas. Ok, de toute façon, même si il pose la question, chacun aura sa part de... C'est un trinitaire. C'est un trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais quelle la divinité de Jésus. Mais c'est où le problème? C'est son droit de croire, non? c'est pas au moins, lui, il croit comme ça. Kakou Philippe ne croit même pas ça. Il dit que lui, il est la lumière. Il est chez toi ici. Oh, non, Kakou Philippe, non, il est ici à côté de vous. Laissez Georges dans ma tranquille. Oui. Oui. Il a entendu dire qu'on verra Jésus-Christ avec le Père au ciel. Quand tu as dit comme ça, là, tu as quitté. Oui, mon cher. Je crois bien que j'ai la réponse à ma question. Oui. Si je peux te laisser à l'Assemblée. Tu as la réponse à ta question. Non, garde, laisse-le aussi chercher. Alors, si tu dis là, je te pose encore une question. Tu as dit que tu doutes de me donner les réponses. Non. L'ami de l'épouse, c'est qui? Bon, je vois ici dans Matthieu 27, verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Oui. J'aimerais savoir si tu as les amis. Ah là, tu réponds, tu me poses la question. Donc, je t'en ai dit. Il a, je réponds donc directement à ma question. Donc, je ne suis pas en contact avec lui. D'accord. Je voulais poser une question. Oui. Au niveau de l'enseignement sur la première résurrection. Oui. La première résurrection. Oui. Parce que quand je lis le passage de Apôtre chapitre 20, le verset 6 là, oui. On dit qu'il y a plusieurs morts qui sont revenus à la vie. Oui. On dit ceux qui ont été égorgés à cause des guimbards de la personne là-bas. Oui. Je voulais savoir, on peut situer la première résurrection de façon chronologique. Est-ce avant l'enlèvement ou bien c'est après l'enlèvement? Non, mais quand même, c'est quand même terrible cela. La Bible déclare là-bas, la résurrection se passe ici ou bien dans le ciel. Si c'est la terre. C'est ici sur la terre, non? Alors maintenant, quand il y a l'enlèvement, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont où? Ils sont au ciel. Alors, qui revient maintenant pour régner avec Christ sur la terre? C'est les saints. Quel saint? Les saints du Seigneur. Mais les saints sont toujours pour le Seigneur. Quel saint? Les chrétiens, l'épouse. Alors, on ne dit pas seulement chrétien, parce que chrétien, c'est un terme générique. Oui, l'épouse. Donc, qui revient pour régner avec le Seigneur? C'est l'épouse. Alors, s'il revient, ça veut dire qu'il est déjà parti. Oui, c'est pas ça, frère. Oui. Comment tu poses encore la question? Est-ce qu'on peut signer par rapport à l'enlèvement? Vous n'avez pas à comprendre. Oui. On dit. Les gens n'ont pas. Ceux qui ont refusé la marque de la bête. Oui. Sont revenus sur la vie. Oui. Et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Ah, vous dites que vous avez des. Oui. Or, on sait aussi que c'est après l'enlèvement qu'on entre dans la tribulation. Et c'est dans la période de la tribulation que les gens vont refuser la marque de la bête. Point de matérialiser. Mardi, on commence ici tôt, n'est-ce pas? Mardi, c'est quelle heure? Mardi, c'est 15h. 15h. Donc, 15h, on va commencer tôt, on va répondre à toutes ces choses-là. Parce que l'une des choses, c'est savoir arranger les choses qui arrivent dans la Bible. Ce sont ces choses-ci. Et le fait qu'on cite la parole dans différents contextes, qui fait en sorte que vous avez, il y a trois groupes aujourd'hui. Les pré-tribulationnistes, les post-tribulationnistes. Et chacun défend avec la Bible. Chacun défend avec la Bible. C'est pour ça que la fesse, là, comme vous appelez la théologie, qu'on peut apprendre, là, c'est un problème. C'est-à-dire que d'aller apprendre Dieu dans une école. Il y a maintenant d'autres maintenant sur YouTube qui ont ouvert le compte, mais ils essaient d'écouter par ci, ils écoutent par là. Après, ils regardent ceux qui sont majorité, ils adhèrent là, ils commencent à parler aussi. Avec Dieu, il n'est pas question de la majorité, il est question de la vérité. D'accord, on va parler de cela jeudi. Mardi, plaise à Dieu. Bon, en fait, moi, c'est un peu personnel encore. Oui. Hier, j'ai fait un songe. Oui. Dans le songe, j'étais en train de bâtir une maison. Oui. Voilà. J'ai fait un songe hier. Oui. Il a fait un songe hier. Voilà, bonne interprétation. C'est ça. Oui. Et dans le songe. Et dans le songe. Oui. Je vais parler fort. Non, oui, parle fort alors. Une fois. Dans le songe. Oui. J'étais en train de bâtir une maison. Oui. Et on a mis la fondation. Il y avait des fosses sceptiques. Il parle, après il baisse. Des forces sceptiques. Oui. Oui. Et donc Ils ont tissé. Ils ont fait les paillasses là. C'est-à-dire le tissage des oui. Le truc de la fondation. Et j'arrive. J'avais un bol dans ma main. Dans lequel se trouvait du sable. Oui. Et je mangeais du sable. Tu mangeais du sable? J'étais en train de manger. Et c'était intéressant. Le sable était sucré. Oui, c'était sucré. Mm-hmm. Donc j'étais là. Et puis du coup, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de manger? Ça, c'est du faux sable, c'est pas bon. Genre l'eau de ruissellement, mm-hmm. les eaux de déchets là. Oui. Voilà, ça passe par là. Ça dit ça passait par là. Et j'ai pris ce sable là. Et c'est ce que je suis en train de manger. Après, tu t'es rendu compte que ce n'était pas normal. Je me suis rendu compte que ce n'était pas normal. Oui. Et je me suis rendu compte aussi que les fondations que j'ai eu à faire, oui. ce n'était pas bien. Oui. Donc, il fallait couper. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Donc, coupe ton songe. Donc, il m'introduit dans ce que je dois faire maintenant, d'accord? J'ai jeté. Non, c'est bon. Il m'introduit depuis 3 jours, je suis en train de prier pour lui particulièrement. Amen. Et donc le message que le Seigneur m'a donné, depuis je suis en train de dire, après il va aller dans ce message, j'attends le moment. Donc on a plus de pause, il veut une fois parler, d'accord? Amen. En réalité, Donc il dit que je rends grâce à Dieu. C'est comme ça que l'église devait fonctionner. Ça devait sortir là. Oui, monsieur. Pardon, il n'a qu'à arriver. Non, non, c'est au bout, ça va. Ça va. Quand il veut parler maintenant, ça va. Il a mis la fondation. Mais remarquez bien qu'il est revenu sur la fondation. Après, il a commencé à prendre le sable. Le sable est censé être fait pour être construit. Avec le torrent d'eau, on peut mélanger le sable avec le ciment pour construire. Mais ce n'est pas bon, ce n'est pas du bon sable. Dieu veut que je vous parle de la correction de cette doctrine que vous avez initiée. C'est ça. Et lui particulièrement. Donc, je ne prendrai plus de questions jusqu'à ce que j'en finisse. Amen. Je ne prendrai plus de questions jusqu'à ce que j'en finisse. Vous savez ce qui est annexe ici. Le premier jour qu'on a commencé à parler, il y avait les tiraillements. Il a dit quelque chose ici, ne sachant pas pourquoi il disait cela. Vous devez demander que le Seigneur nettoie votre âme de toutes ces poisons-là. Remarquez qu'il a pris conscience que ce n'était pas bon. Vous vous souvenez que je lui ai posé une question, c'est la dernière fois, je ne sais pas si vous avez été là, est-ce que tu peux fumer la cigarette? Il a dit oui. J'ai pris, j'ai gardé. C'est avec ça que je suis allé à la prière. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces chrétiens? Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Tu peux aller en boîte de nuit? Oui, je peux aller en boîte de nuit. La Bible dit que quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Vous comprenez cela? Quelle part a les ténèbres avec la lumière? Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Le chrétien dit qu'il peut le faire. Ça pose un problème. D'où est-ce que c'est venu? Vous avez invité Nana ici, il vous a infesté. La première chose, je veux que si vous ne me comprenez pas, levez seulement la main. Si il y a une main, que ce soit ce que vous n'avez pas bien saisi ce qu'il dit, ne posez pas de questions parce qu'il faut que j'arrange ceci bien même. Toutes les doctrines, vous asseyez chez les témoins de Jéhovah, même deux minutes, vous sortez, vous allez prendre quelque chose. On va vous t'acheter. Envoyez un jour, tu vas dire Jéhovah sans en rendre compte. Que Jéhovah est mon Dieu, ainsi de suite. C'est notre père des manches là-bas avec Jéhovah. Écoutez très attentivement. Le chrétien doit-il demander pardon pour ses péchés encore? Les chrétiens doivent-ils encore demander pardon? Non. Vous avez moi? Non. Voilà. Oui. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Non. Vous avez suivi ça? Il dit non, il dit oui. Non, c'est pas lui. Il a dit non, il a dit oui. Je pose la question exprès parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et à l'issue de cela, il faut qu'on va dans les Saintes Écritures pour voir. Parce que ce groupe-là et bien d'autres disent que le chrétien n'a plus besoin de demander pardon, de confesser le péché. C'est un problème. Vous comprenez cela? Si vous admettez cette chose aussi, le diable vous séduit pour que des choses vous soient reprochées. Il faut que je corrige ceci. Mais avant, on va lire la Bible. Maintenant, vous connaissez le temple de Jérusalem, n'est-ce pas? Le temple de Jérusalem, c'est là où c'était la demeure de la sainteté du Seigneur. Parce que l'arche de l'alliance y était, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on a détruit cela? Je n'ai pas dit pourquoi. J'ai dit comment est-ce qu'on a détruit. C'est un peuple qui est venu. Bon, dans vos enseignements, j'ai pu attendre que c'est dans la guerre de l'OTAN. Dans la guerre de l'OTAN, que les musulmans ont pris une partie. Quel OTAN? L'OTAN, c'est récent là. C'est l'Empire ottoman depuis. C'est les Romains qui dit. Les Romains. Il dit. C'est Titus. Donc, Titus. Comme c'était. Voilà. Donc, ils ont détruit le temple. Maintenant, sur la terre, où est le temple? Ok. Je veux que votre participation va aller parce que si je parle, c'est moi, vous n'allez pas saisir. Je fais tout et tout pour que ça soit suscité, pour que ça soit bien assis. Donc, sur cette terre-ci, c'est nous, les chrétiens, qui sommes le temple. N'est-ce pas? Ouvrez donc la Bible maintenant. Gardez toujours la question que j'ai posée dès le départ par rapport à la destruction du temple de Jérusalem. D'accord? C'est Titus. Titus qui a ouvert la Bible. Chaque personne ouvre maintenant la Bible. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais partir de ces choses-ci pour construire. Avant de sortir avec la question que j'ai mis là-bas depuis là. Vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Oui. S'il vous plaît, ça. Si on veut lire tous les passages que je suis en train de regarder ici là, c'est qu'on va passer vraiment 5 heures de temps ici maintenant seulement avec cela. Mais il faut qu'on aille vite. Donc, c'est à vous de faire vite. Ouvrez les Écritures. Verset 16, qu'est-ce que ça dit? À haute voix, frère. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc, ça dit que même si vous ne connaissez pas le renseignement nous est donné maintenant dans les Saintes Écritures, que c'est nous qui sommes le temple et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Potentiellement. On met ça entre guillemets maintenant, d'accord? Continuons. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu. Stop! Si quelqu'un détruit quoi? Le temple de Dieu. On parlait de détruire quoi ici? Le temple là, c'est quoi? Ici, ça devait vous pousser à poser la question, comment on détruit ce temple? Parce que tu ne peux pas te tuer, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça qu'il va vous poser la question par rapport à la destruction du temple de Jérusalem. Ça, c'était le temple physique. Comment est-ce qu'on a détruit? Ils sont venus, peut-être ils ont mis le feu, cassé le mur, ainsi de suite. Ok, donc ça veut dire qu'il y a deux styles de temple. Le temple qui est physique et le temple que nous sommes. Alors ici, comment donc on détruit ce style de temple? Vous devez répondre à la question. Et là, il directement, ça pousse à l'interdiction aux chrétiens de détruire le temple qui ne leur appartient pas. D'accord? Ici, allons-y. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Vous voyez que c'est deux personnes qu'on en avait parlé ici. Donc ça joue ce qu'on a dit dès le départ, que la personne se trouve à l'intérieur. Et ici, c'est un tabernacle ici. Vous voyez, n'est-ce pas? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Or, toi, tu as détruit le temple de Dieu que nous sommes. Il dit, Dieu le détruira lui-même. Puis il dit, car le temple de Dieu est saint. Stop. Le temple de Dieu est... Le temple, si, gardez à l'esprit encore, c'est qui dont on parle? Donc ça nous dit, nous sommes quoi? Vous prenez la cigarette, vous mettez là-bas. C'est quelque chose de sanctifié. Non. Vous devez poser les questions. La Bible n'a pas besoin d'écrire cigarette dans la Bible. Vous comprenez que c'est mal. Elle n'a pas besoin. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le Seigneur, dans son infinie sagesse, il y a des époques où il n'y a pas eu de cigarette. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il y a des époques où il n'y a pas eu de cigarette. Ok, c'est une invention qui est venue à plus tard. Dans son infinie, sachant que ces choses se devaient détruire, il a écrit des versets qui contiennent tous les égarements que les hommes vont inventer sur la terre. Vous prenez, quand vous allez passer ces siècles, sur d'autres siècles, si d'autres siècles viennent, s'ils ne viennent pas très bientôt, vous allez lire Romains chapitre 12, verset 1, il dit, je vous exhorte donc par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle. Quand il avait écrit ça dans cette année-là, c'était présent. 10 ans plus tard, c'était présent. 100 ans plus tard, c'était présent. 2017, c'était présent. Donc ça sera toujours présent. Donc ça veut dire que c'est un monde maintenant et que le monde va comme ça. Tu lis ça, ça veut dire que ne te conforme pas à ça. Or, si on veut lister tous les modes, la Bible ne suffirait pas. Donc Dieu a condensé ça dans son langage à lui. Alors il dit ici que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que vous avez reçu de continuer? Car vous êtes le temple de Dieu est saint, n'est-ce pas? Et c'est ce que vous êtes. D'accord? Maintenant, ça se pose donc que je dois regarder. Qu'est-ce que je prends dans ce corps, ce qui détruit le corps? Je dois m'en éloigner. La Bible me dit de façon indirecte ici, je dois m'en éloigner de tout ce qui détruit le corps. Sinon, vous ne verrez nulle part dans la Bible où on dit aux femmes, on interdit aux femmes de se maquiller. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Ce sont les versets comme ça qui disent ça de façon directe. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. De façon directe, il a dit ça. Et donc, je n'ai pas le droit de détruire le corps. Verset 18 et 19. 19 jusqu'à 20. Allons-y. Que nul ne s'abuse lui-même. Oui. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Oh, ouais, le type, sinon. Aussi en est-il écrit. Vous voyez. Il prend les sages dans leur ruse. Vous voyez le garçon aussi. Vous le voyez, non? Vous voyez ce qu'il a de faire. Je lui dis de dire quelque chose. Il a de lire autre passage. Il continue à lire, continue à lire, continue à passer. Et vous avez la Bible devant de vous. Personne ne sait qu'il n'est pas en train de lire ce que je suis en train de dire. La page était tournée. Entre tes mains. Alors, verset 18. Et vous avez la Bible devant vous. Personne ne sait que c'est pas en train de lire. C'est en train de faire maintenant comme un abinos. Oh! Il dit chapitre 6, verset 17 et 18. Voilà, chapitre 6, verset 17. Il est écrit. Donc, il parle, vous n'attendez pas. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Oui. Fuyez l'impudicité. Oui. Quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Oui. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oui, on remet encore ça à jour, n'est-ce pas? Qui est en vous? Qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Stoppons dans là-bas. Donc, écoutez très attentivement. De façon directe, le Saint-Esprit dit que vous n'avez pas le droit sur son corps. Vous comprenez? Donc, vous n'avez pas le droit de vous faire plaisir avec ce corps. Car vous avez été racheté à un grand prix. Vous avez pour ordre de glorifier donc Dieu dans votre esprit, dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Dans votre corps et votre esprit appartient à qui? Donc depuis que Christ nous a racheté, il a le droit sur nous. le droit absolu de sa seigneurie s'exerce sur nous dans tous les domaines. De telle sorte que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Par conséquent, il ne doit plus prendre ce corps pour faire n'importe quoi avec. Vous avez suivi, n'est-ce pas? C'est là où ça commence. Alors, lorsqu'on touche le problème du péché, il y a des petites choses qu'il faut définir, comprendre, avant de tordre, comme les gens tordent partout, là, ils tordent. Vous voyez votre nana, il passe partout, il dit que les gens enseignent le salut par les œuvres. Je crois qu'on a commencé à corriger des choses ici. La dernière fois, nous avons corrigé ici que les œuvres ne viennent pas avant le salut. Parce que j'ai dit, les gens fuient les commandements de Dieu exprès, parce que c'est justement ce que la Bible dit, de ne pas prendre la liberté comme un prétexte pour vivre selon la chair. Et c'est justement ce que ça devait faire. Ils croient que comme Christ les a rachetés maintenant de la malédiction de la loi, donc ils peuvent maintenant vivre. On a dit que donc, ignorez donc vous que nous tous qui avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ dans le nom, on est libre à l'égard du péché. Pas qu'on est libre de péché. Ça veut dire qu'on doit davantage faire attention avec ce corps. C'est ça la grâce. La Bible déclare que la grâce nous enseigne à fuir la mondanité, à quitter ces choses-là. Mais quelqu'un dit non que même s'il vit dans le péché maintenant, ça ne fait absolument rien. Or, l'apôtre Paul lui a enseigné le contraire. Il dit que si vous êtes mort avec Christ, comment retournez-vous donc là-bas? Vous voyez? L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 2, verset 19 à 22, il dit que si après s'être retiré des souillures du monde, on te retire des souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Vous comprenez ça, frère? Donc, le style de vie des mondains n'est pas se retrouver au milieu chrétien. Mais d'autres personnes sont en train d'enseigner, non, tu peux vivre maintenant comme tu veux. Et il y a une chose, quand il a dit ici, ça m'a choqué. Pendant qu'on a dû parler là, il savait que s'il prenait chaque personne, chaque fois, ça devait créer tellement de choses au point de pas. Il se dit au Saint-Esprit, oh Seigneur, dois même maîtriser ces choses-ci. Il dit, c'est la chair, on ne peut rien contre ça. C'est ce que le frère a dit, que c'est la chair, ce sont les chairs qui désistent là. Donc, il trouve que c'est normal que quand la chair désire, par exemple, pour forniquer, il ne peut pas forniquer. Si ça dégèle l'alcool, il ne peut pas boire. Ça va aller en boîte, ne pas boire parce que de toute façon ça cale dans la chair. Où est-ce que c'est venu? Nana Mathias. Il faut que ça soit corrigé. Il dit le temple de Dieu. Comment? Je crois qu'il est bien pour placer pour nous dire. Bon, le jour où on l'avait invité, il n'était pas là. Il était à 4 et puis on a. Mais il vous a pollué, non? Bon, nous on a. Tu as éloigné, tu as seulement dit maintenant que. Non, il a dit que c'est pré-tribulationniste, que le Dieu va passer par la grande tribulation qui part. Le reste, tu as fait quoi de ça? Vous n'avez pas entendu. Alors, ils disent la doctrine des apôtres. Mais vous vérifiez, ce n'est pas la doctrine des apôtres. Parce que la doctrine des apôtres enseigne à s'éloigner du péché. C'est séparer du péché. Regardez quelle a été la réaction de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5 lorsqu'il a entendu qu'à l'église de Corinthe, il y avait de l'impudicité. Il leur a écrit une lettre, il dit qu'on entend dire parmi vous qu'il y a même de l'impudicité. Au point où ça se nomme même pas chez les païens. Au point où l'un de vous a la femme de son père. Il dit, et vous êtes en train de vous enorgueillir. Vous n'êtes pas été triste. Vous n'avez pas été triste pour qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de le corps. Et ce qu'il a dit, rejeter avec une vivante énergie, quelqu'un est en train d'admettre en disant qu'il a défait les doctrines des apôtres. Oui, ça c'est vrai. Alors, ils peuvent se tarder en disant que non, même si je ne suis pas commettre la fornication de ma chair, c'est la fornication de la chair. Donc, c'est comme si c'est normal que la chair fasse là. Or, la Bible enseigne de façon rigoureuse que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit? Si vous lisez votre livre de Matthieu, je peux dire. Il dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. L'enseignement du Nouveau Testament enseigne donc maintenant comment marcher selon l'esprit. Je dis donc marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc si vous passez le temps dans l'esprit, vous n'aurez pas le temps pour ces choses-là. C'est pas ce que la Bible enseigne. Je dis donc marcher, avancer avec l'esprit. Voici la façon de faire pour ne pas accomplir le désir de la chair. Avancez sur l'esprit parce que vous ne pouvez pas couper votre chair. Or, lui, comme il n'a pas compris cela, qu'est-ce qu'il fait? Si la chair demande, donne. De toute façon, ton esprit sera sauvé au jour de Christ. Continuez comme ça. Et puis vous entendez l'enlèvement. Vous serez surpris. Les démons qui vous font forniquer vont venir ce jour-là que c'est moi qui t'avais envoyé. Tu vas croire maintenant vrai que ce n'est pas le Saint-Esprit. Le peuple de Dieu est saint. Apocalypse chapitre 21, verset 25 dit que nul impur n'y entrera. Vous avez lu ça dans votre Bible? Aucune personne ne souillée n'y entrera. Ni personne qui livre ce livre au mensonge. Mais c'est seulement ceux qui sont saints. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse. Donc ne pensez pas que vous vivez dans la fornication. Le Seigneur va dire que non, je te demande pardon à mon enfant, laisse. Tu as été pardonné. L'enfant. Le pardon du péché que tu as obtenu il y a cela 2000 ans, la vie doit être conséquente. Tu dois prouver que tu as été pardonné. Quand vous voyez les repris de justice, regardez cela dans la loi. L'acte présidentiel, il peut par décret présidentiel donner les grâces aux voleurs. Vous êtes derrière les barreaux, par exemple, parce que peut-être vous a attrapé avec un groupe de bandits. On vous prend derrière les barreaux. Puis, 2 ans ou 3 ans, tu es là, dans ton cœur, dans la prison, tu as dit, oh, je ne savais pas, c'est la dernière fois, je ne vais plus marcher avec les bandits. Parce que tu as compris maintenant que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Maintenant, le président dit que, okay, décret présidentiel, ceux qui ont commis des crimes légers, des tels, et tu es contenu dans ces crimes-là. On te libère, tu sors. N'est-ce pas cette grâce qui devrait te donner maintenant des mesures maintenant avec qui tu marches, frère, pour ne pas retourner là-bas? Et tu commences à marcher maintenant n'importe quoi. Oh, le président m'a libéré. J'ai les relations avec le président. Même si on m'arrête demain, il va encore me laisser. Attends qu'on t'arrête pour un crime lourd. Tu vas voir si la grâce présidentielle vient te couvrir encore. La Bible déclare donc qu'on ne outrage pas l'esprit de grâce. La Bible dit qu'on ne outrage pas l'esprit de grâce. Vous me suivez, frère? Alors la vie du péché, ce n'est pas la vie des enfants du Seigneur. Parce qu'il a dit, soyez saints, je suis saint. Soyez saints dans toute votre conduite. C'est pas ce qu'il écrit, frère. Donc la sanctification, c'est le thème central du message qui nous conduit vers l'enlèvement. Amen. Non, pas de questions. Pas de questions. Oui, plus de questions. Je dis cela. Je veux que ça entre doucement, doucement. Pour qu'on corrige ici. 2 Corinthiens. Il y en a plein de passages. Je vais abandonner ce malaise parce que c'est fait vraiment tard. 2 Corinthiens. Et on va aboutir à ceci, ce qui est accroché là maintenant. C'est moi qui ai accroché, c'est moi qui peux voir. Il y a l'accroché là. Si vous retournez, vous, comment vous voyez. 2 Corinthiens chapitre 7. Regardez le verset 1. Ayant donc de telles promesses. Écoutez bien. Ayant donc de telles promesses. Parce que au chapitre 6, ça finit au verset 17, verset 18 en disant que sortez du milieu de Dieu, ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. C'est pourquoi sortez du milieu de Dieu. Puis il continue ici. Ayant donc de telles promesses. La promesse d'être les enfants du Seigneur. Vous voyez cette promesse qui a été donnée. Ayant donc de telles promesses. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous entendez ce qu'il dit? Oui. Qui a écrit ici? C'est l'Ancien Testament? Non. Ça, c'est l'Ancien Testament? C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Une promesse est donnée. Il dit, ayant donc de telles promesses. Quand vous lisez la promesse de la Bible, votre vie doit être conséquente. C'est que Dieu nous a donné dans la promesse. Les choses de l'héritage. Tu n'as pas encore trouvé, ma chère. Oh. Ayant donc de telles promesses, il dit quoi? Je veux que vous... Vous qui êtes là, vous vous entendez lire? Les gens, c'est pas, vous êtes fatigué? Non. Vous avez la Bible devant vous? Oui. Ou bien ce qu'ils disent ne nous concerne pas? De toute façon, à qui ça concerne, que ça concerne? Vous m'écoutez comment Dieu? Chaque fois que vous écoutez, faites pas cela. Vérifiez si ce qu'on dit à l'Église, même si c'est n'importe qui vous dit. On a dit que c'est un âge même qui prêche, vérifiez. La Bible dit cela. C'est pour ça que je me tue à faire à ce que vous regardez les Écritures. Il dit, ayant donc de telles promesses, écoutez bien, je veux que vous voyez, c'est deux choses conséquentes. Ayant donc de telles promesses, on fait quoi? Donc, ça veut dire qu'il y a une œuvre que c'est nous qui allons faire dans la marche de la sanctification. C'est ce qui ressort de ce verset. Et de tout passage, je vais parler maintenant. Vous comprenez? Donc, quand les gens n'ont pas compris les Écritures, c'est comme ça que vous allez voir, quand ils ne comprennent pas, ils disent, ah, tu prêches le salut par les œuvres. Toute personne, le plus fondamental des chrétiens, savent qu'on entre en croyant au Seigneur Jésus. Quand on entre, on est sauvé. La marche chrétienne débute là-bas. Donc on ne prête pas que tu te purifies pour être sauvé. C'est pas comme ça. Même chez les juifs, il fallait d'abord offrir le sacrifice avant d'aller donner les prières. C'est pour ça qu'il y avait les victimes expiatoires. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est sous le sang que Dieu les voyait. Il savait qu'il fallait leur amener le sacrifice. D'accord? Donc il y a d'abord cet acte-là. Donc l'acte du sacrifice du Seigneur qui a été donné, c'est tous ceux qui adhèrent à cela, qui sont d'abord sauvés. N'est-ce pas? Quand on croit, on est sauvé. Donc la question du salut ne se pose plus. La question maintenant, c'est la marche après le salut. Donc il n'est pas question dans la vie chrétienne de salut par les œuvres. Ça ne se trouve nulle part. Mais il est question de la conséquence de la marche avec le Seigneur. D'accord? Jean-Baptiste, quand il s'est présenté dans... Je vais vraiment partir là maintenant parce que je vais citer des parts et d'autres. Jean-Baptiste, quand il s'est présenté dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 7, quand les gens se sont présentés devant lui, ah, il dit, ne mettez pas, commencez à pas vous dire que nous avons Abraham pour père, parce que Dieu peut citer des enfants avec ces pièces d'Abraham. Il dit, produisez les fruits. Donc, quand tu te repens, tu produis quel fruit? Digne de la repentance. Or, la repentance, c'est un changement d'état, un changement de comportement. Comment tu peux dire, ok, ah, j'ai forniqué, Dieu m'a pardonné, Seigneur, te demande pardon. Pardon, ça veut dire que désormais, je me suis tourné de la fornication. Pour les... Comment tu vas te tourner comme ça et te retourner? Comment? Comment? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc la vie de la repentance, c'est une vie conséquence que tu n'accomplis pas ce que tu avais vomi. C'est ce que Jean-Baptiste a dit le premier, pas vrai? L'apôtre Paul, si vous prenez, je crois vous en avez noté, dans Jean, dans Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 17 à 22, puis dans Jean, dans même Actes des Apôtres chapitre 26, verset 20 à 26, remarquez très attentivement qu'il est devant Festus. Il dit, lorsqu'on l'a accusé, avec les chaînes aux pieds, il s'est tenu là-bas, il dit qu'au milieu d'eux, j'ai prêché la repentance envers Dieu et la non, pas seulement cela. La repentance et la pratique d'œuvre digne de la repentance. C'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Vous n'avez pas encore lu ça, frère? Si, ok, vous avez lu ça, oui ou non? Ou bien vous me chassez, vous dites qu'avance, on connaît déjà. Amen. Comme tu as dit, on croit que c'est vrai. Amen. Alors, chapitre 26, allons vérifier. Oh! Actes des apôtres, rapidement, rapidement, après, je vais laisser ça. Actes des apôtres, chapitre 26, mes frères. Regardez, regardez, je vais lire. Chapitre 26, regardez le verset 10 ici. Ça, il raconte son histoire, d'accord? Il raconte son histoire à partir du verset 10. Il dit que c'est ce qu'il a fait à Jérusalem, où il avait même reçu des seigneurs sacrificateurs le truc pour aller à Damas. D'accord? Rapidement, le verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché un. Vous m'entendez, vous m'entendez ici dans cette salle-ci. Il a prêché quoi en premier lieu? La repentance. Oui, et la conversion à Dieu. Avec la pratique de la repentance. Voilà ce que les apôtres ont prêché. Maintenant, quelqu'un vient aussi aujourd'hui et dit que si un chrétien prêche que vous avez pratiqué, bon, il est sous la loi. Je préfère mieux prêcher comme l'apôtre Paul et laisser ce que lui dit aujourd'hui. Parce que lui, il a ce que j'ai. Ce n'est que le début là maintenant. Chapitre 3 de Tite. Ouvrez Tite chapitre 3 rapidement. On arrive. Donc l'apôtre Paul dit qu'il a prêché la repentance et la conversion avec Dieu. Donc ça veut dire que lorsqu'on est converti à Dieu, il y a une œuvre, une vie pratique qui va conséquemment. Dans Jean chapitre 1, si vous lisez le verset 22 à 23, il dit que ne vous bornez pas seulement à écouter la parole en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique. Comment vous allez mettre en pratique la parole? On pratique la parole comment? Comment? On pratique la parole comment? En disant que Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime. Donc quand vous allez forniquer, là, c'est la pratique de la parole. La parole dit que va forniquer. Vous ne pouvez pas faire comme ça, vous vivez comme ça, vous attendez le Saint-Esprit, il ne viendra pas. Donc vous allez prêcher enlèvement. Souvenez-vous de ceci. Connaître les événements de l'enlèvement, chronologiquement, bibliquement, ça ne fait pas que vous partiez. Ayez les songes sur l'enlèvement que vous êtes enlevé, ce n'est pas une certitude que vous partirez. Parce que Dieu n'a pas donné ça comme clause pour que les gens partent dans l'enlèvement. Il y a une façon, une chose que si vous ratez, vous ne partirez pas, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et oh, combien important devrons-nous nous détourner de tout ce qui nous concerne sur la terre maintenant pour nous focaliser sur cette chose-là. Ça devait être notre but ultime. Quand les gens font des courses dans les terrains, les Jeux Olympiques, voici, vous êtes, on a Abidjan, il y a le 8e jeu de la francophonie ici. Ceux-là, ils sont déplacés de pays, prendre des risques, abandonner leur famille pour venir compétir là-bas. Dans des compétitions, il y a des gens qui meurent de crise cardiaque dans le stade. Il y a un de vos joueurs qui est mort dans le stade. Oui. Chez nous, il y avait quelqu'un qui avait mort à Gerland. Marc Vivien Foué. Ouais. Ils sont morts comme ça parce qu'ils veulent donner de leur tout pour obtenir la gloire. La Bible déclare que ceux qui combattent dans le stade s'abstiennent de beaucoup de choses. Ils s'imposent de beaucoup de choses. Il dit que nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. On dit que les mondains, ils s'abstiennent. Celui qui a gagné les différentes médailles de la nage, la Michael Phelps, je crois que Michael Phelps, je me souviens d'un documentaire, il a dit quelque chose. Il dit, les gens voient cette victoire, cette médaille, ils croient que j'ai eu ça en un jour. Ça m'a frappé d'une certaine façon. Il dit, ah Seigneur, donne-nous de vivre comme ces gens-ci. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que pendant un an, jour pour jour, il n'a pas fumé, il n'a pas bu, il n'a pas touché de femme. Il s'entraînait jour pour jour pendant un an, 365 jours. Il s'est entraîné. En s'abstenant. Et quand il a dit ça, le verset que l'apôtre Paul disait, que nous combattons non pas comme battant le vent, nous courons vers le but. Que les gens, les athlètes dans le stade, ce verset m'est revenu. Donc, vous le voyez, il entre au stade, on dit, pas, mec, flair, il fait, va. Toi, tu pars à Grand Bassam, tu fais comme ça, comme le poisson, pas. Tu rentres, tu manges le tarot, tu bois le, vous appelez, Coco Baka. après le jeu de compétition, pendant que tu fais ça, tu peux dormir, tu peux en boire de nuit. La personne qui a eu le temps d'accumuler l'énergie, accumuler pour travailler, toi tu viens que tu vas le combattre, tu vas le, tu vas venir le battre. Quand il entre, il endosse, c'est comme si l'eau le connaissait. Parce qu'il a eu le temps d'étudier toutes les techniques de l'eau, les mouvements de l'eau, pas vrai frère? Maintenant, on dit 3 jours à sec. Tu fais junior, c'est-à-dire 3 comme ça, 3, 1, 2, 3 totalement. Voyez, les questions ont des problèmes. Je ne dois pas mourir, frère junior. Mais si vous mourrez en faisant comme ça, c'est encore très bien. Vous voulez aller vers le Seigneur ou pas? Mais pas de cette façon-là. Bon, entre mourir en jeûnant et mourir en forniquant, lequel est mieux? Multipliez donc les jeûnes. D'accord? Multipliez donc les jeûnes. Quand vous multipliez les jeûnes, l'extérieur va être détruit comme pour le Seigneur. Celui qui, quand on le regardait, n'avait pas le regard pour nous plaire. Constamment dans les prières, dans les jeûnes multipliés, pour porter nos iniquités. Pour porter au fardeau, au point où il était fatigué. À quelques 35 ans, il était presque comme quelqu'un qui avait 60 ans. Parce qu'il était porté de tous les soucis. On, boum, la puissance sort de lui. Vox à le fatigue. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Et aujourd'hui, on invoque son nom. On a écrit dans Christ. Il a tout accompli en faisant le ventre comme ça. Tu es rassasié, il a tout accompli. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 4, verset 1, que Christ a souffert dans la chair, nous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces. Dans Philippiens chapitre 2, verset 29, la Bible déclare qu'il vous a été fait la grâce non, de croire, non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Là, quand on mange, on sent rien. On voit Côte d'Ivoire, Cameroun. Et tout Drogba. Christ a tout accompli. Vous devez vous réveiller. Donc vous voyez Drogba. Et tu 250 millions d'euros. Il t'a déjà donné 1 euro sur ça. Non. Et vous allez vous discuter sur son nom. Les choses qui concernent le royaume dont on doit se concentrer, on ne se concentre pas. Vous allez discuter des bêtises. Et ils ont la gloire ici. Ils sont des dieux de ces siècles-ci. Nous avons un grand Dieu dans les cieux, le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Qui est digne de notre adoration et qui veut toute notre attention. Amen. D'accord, frère? Amen. Alors, éloignez-vous de n'importe quoi qui veut vous éloigner de lui. Éloignez-vous de n'importe quoi qui veut et qui peut vous éloigner de lui. Servez-le seul, lui seul. Prenez position maintenant pour lui. Faites-vous maintenant votre idée. Fixez votre objectif. Dites, Seigneur, c'est toi ou rien et que rien ne vient faire obstacle. C'est ainsi les athlètes là. Quand ils sont dans le stade, tous ceux qui courent ici sont des adversaires. Ce qu'il a comme là-bas, c'est le trophée. Il y a des endroits où on attache la bande à arriver. Il faut qu'il traverse cette bande-là en premier. Donc si tu dis, aïe, aïe, j'ai le crâne, il dit que non, la croix rouge va s'occuper de cela. Il continue son objectif. Vous voulez continuer l'objectif avec Christ. Il y a des choses qui vont venir de part et d'autre dans vos vies pour vous détourner de cette voie. Ah, l'enfant est malade. Prions, prions, prions. Moi, quand mon enfant est malade, c'est difficile qu'il prie pour lui. Parce que ça ne doit pas me gêner, même un peu. Parce que si vous continuez à vous laisser guider par le circonstance, quand l'enfant va finir, on va dire qu'il y a un problème de terrain là-bas. Quand le problème de terrain va finir, il faut continuer comme ça là. Fais ici, fais. Tu n'es pas un pompier. Tu n'es pas le pompier, d'accord? Fais ici, fais. Par ici. C'est là où ça se trouve. On dit courir ayant le regard fixé sur qui? Jésus. C'est Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Voilà. Comme Pierre, vous sortez dans la barre, vous marchez vers lui, ne regardez ni à gauche, ni à droite. S'il y a n'importe quelle circonstance, si le Seigneur a dit viens, il contrôle toutes les circonstances. Avec viens, il veut dire je tiens toi et les circonstances tout autour de toi entre mes mains. Amen. Alors, si vous dites ah, quelque chose arrive, qu'est-ce que vous pourrez contre les circonstances? Nous pourrons quoi contre les circonstances? Amen. Quand vous dormez, tu dis que je veille 7 jours. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Dès le départ, quand vous avez commencé, parce que vous avez mangé vous appelez votre truc là, le checké. Vous avez mangé l'énergie, elle attendait 5 minutes, 15 minutes, checké va finir. Au nom de Jésus. Quand tu ne veilles pas là, qui veille sur toi? Faites confiance donc au Seigneur Jésus. Amen. Faites donc confiance au Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas. C'est que vous ne pouvez pas décharger entre ses mains et laissez-le être Dieu, là où il est Dieu. Amen. Vous comprenez, frère? Donc on doit monter un cran. Vous devez vous discipliner, votre vie spirituelle. Vous ne devez pas courir derrière les pasteurs. Les pasteurs, eux-mêmes, le problème. Vous voyez, comme ça, vous posez le problème au pasteur. Le pasteur, lui, le regarde comme ça, il dit que si celui-ci, c'est eux-mêmes que le problème que j'ai dépasse même sa part. Tu penses que c'est lui qui va rester de ta part? La Bible déclare par Jésus, par lui seul, nous avons les uns les autres accès auprès du Père. Donc, ce qu'il peut faire, c'est de vous montrer comment avoir accès à lui. Amen. Pour que si vous êtes n'importe où il y a le problème, vous allez vers lui. Amen. Vous cessez, n'est-ce pas? Amen. Alors, qui est déterminé à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ de la bonne façon? Alors vous devez vous séparer encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse avec votre main. Alors vous devez vous séparer de quiconque et de tout ce qui peut vous empêcher et entraver le chemin d'aller vers lui. N'importe qui. Depuis le jour où il m'a appelé, j'ai fait mon choix là-bas. Et ça avait réglé le problème là-bas. Quiconque, personne ne peut me créer obstacle. Personne ne peut me faire peur sur cette terre-ci. Parce que c'est où je vais. Personne, il dit même personne, ne peut me faire peur, ni empêcher cet objectif-là. Parce que quand vous savez exactement la rémunération, il n'y a rien sur la tête qui peut rémunérer, qui peut être comparé même à un millième près à ce qui nous attend devant. Amen. Mais vous voyez comment les chrétiens aujourd'hui se vendent pour un rien. Vous voyez une jeune fille, un garçon du monde vient, ah, je vais t'épouser. Frère Junior, y a-t-il pas quelqu'un dans la Bible qui avait épousé un croyant et l'a converti? Non, il n'y a pas de prophétie comme ça dans la Bible. Les prophéties bibliques disent que si tu pars vers les dieux, tu vas aller servir les dieux. La Bible n'a pas dit nulle part que si tu viens, tu vas les convertir avec les dieux. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ah non, frère Junior, prions pour lui. Il m'a acheté la Bible. Oui, il a acheté la Bible. Ouais, il veut comme ça dire quoi? Que je prie, je lui impose le même qui croit croyant. Il n'y a pas d'imposition de même pour transformer les gens pour qu'ils soient croyants. Vous me suivez, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a de faire? Elle a de vendre son droit de naissance à l'extérieur. Parce qu'elle ne peut pas tenir ferme, attendre que Dieu lui envoie dès qu'il le voudra. Comprenez, n'est-ce pas? Pour un bout de choses comme ça, là, on vend le droit de naissance. On quitte. La vie chrétienne est devenue n'importe quoi parce qu'il n'y a pas la crainte du Seigneur. Il dit purifions-nous donc de toute souillure de la chair et de l'esprit. C'est ce qu'on a lu ici. Purifions-nous donc de toute. Ayant de telles promesses. Quelles promesses? Que Dieu soit appelé notre Père. Abba. Il dit, comme à ces promesses-là, votre devoir c'est de purifier. Vous purifiez de toute souillure. On dit de la chair et de l'esprit. Là, vous êtes dans la méditation. Vous devez répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on appelle souillure de la chair dont je dois être purifié? On n'a pas dit qu'il va vous purifier. Il dit que vous devez vous purifier de des souillures de la chair. Alors, qu'est-ce qui souille la chair? Répondez à cette question. Or, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 17, chapitre 15, il dit ce qui entre dans la bouche de l'homme ne souille pas l'homme. C'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Vous posez la question de maintenant, qu'est-ce que la Bible entend appeler par souillure de la chair dont je dois être purifié? Or, le Seigneur dit que c'est de l'intérieur qui viennent les mauvais désirs, les meurtres, les adultères, les vols. Ça vient, c'est ça qui vient de l'intérieur, c'est ça qui souille l'homme. Mais ici, là, le problème du cœur, c'est Dieu qui nous a dit dans le livre d'Ézéchiel que c'est j'ôterai de votre cœur, le cœur, de votre corps, le cœur de pierre et je mettrai le cœur de chair. Donc l'autre aussi, de l'intérieur, la chair ici, c'est lui qui le fait. Donc l'autre souillure ici, qui est la souillure de chair, ça ne concerne pas le cœur. Ce sont les choses que le monde a mis au devant de nous pour nous faire souiller. Vous voyez? Donc vous devez vous en débarrasser. Puis il dit, des souillures de l'esprit. Qu'est-ce qui peut souiller ton esprit? Vous voyez en plein maintenant les médias. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Ce que vous voyez vous conditionne. Je vais souhaiter vraiment prendre le temps pour parler de ces choses-ci. Ce que vous voyez conditionne votre esprit. On vous suggère des choses, on vous donne des images subliminales. Au moment donné, vous commencez à avoir des désirs. Vous voyez les jeunes garçons dire, j'aime les filles qui ont les formes comme ça. Où est-ce qu'elle a vu les formes? À la télé. À la télévision. Je veux qu'elle marche comme ça. La sœur aussi ne peut pas marcher comme ça. Elle va faire comme ça. Là. Elle marche comme ça. Ouais. Elle ne peut pas marcher comme ça parce que c'est son goût là-bas. Le goût que celui-ci a été suggéré de l'extérieur, ce n'est pas son goût normal. Par conséquent, si elle fait un choix d'une femme, il fera le mauvais choix. Parce qu'on lui a suggéré les choix, le style des choix qu'il voudra. C'est-à-dire quoi? On l'a trompé, on l'a séduit. Donc, la purification des souillures de l'esprit. Voilà les thèmes bibliques qu'il faut développer. Purification de la souillure de la chair. C'est ce qu'on appelle donc le dépouillement. Yeah. En Christ, il y a cet enseignement, le dépouillement. On doit vous enseigner, comme Philippiens chapitre 4, le 10, verset 23 et 25, il dit qu'on va vous enseigner à vous dépouiller et égard avec votre vie passée, du vieil homme et de ses œuvres. Donc, quand vous dites que vous êtes converti, le vieil homme, on va vous dire, cette chose-ci que tu faisais dans ta ancienne nature, tu ne dois plus pratiquer. Amen. Ça concerne la marche chrétienne. Il ne s'agit pas de faire ça pour être sauvé. On fait ça parce qu'il dit que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est ce que la Bible déclare. Donc, sur la tête, tant qu'on est sur la tête, il n'y a pas un niveau de sainteté, on doit s'arrêter. On doit continuer parce que tous les jours, plus tu persévères devant le Seigneur, plus le monde des ténèbres suggère encore des choses. Crée des choses pour nous cribler et nous éloigner du Seigneur. Vous avez moi, frère? Nous sommes au chapitre 17 de 2 Corinthiens. Ok, tite-toi maintenant. Lisons le verset 14. Comment nous est dans le titre? Tite chapitre 3. Vous y êtes tout le monde, vous y êtes là? Tite chapitre 3. Le verset 14, allons-y. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Attends, nous sommes sous la loi ici. Est-ce que nous sommes sous la loi? Sky dit il faut que les nôtres, il s'adresse à qui? Aux chrétiens. Donc il faut que les nôtres apprennent aussi. Donc on doit apprendre aux chrétiens à faire quoi? À pratiquer les bonnes œuvres. Afin qu'ils ne soient pas sans produit. Des fruits. Vous avez vu ça? Vous avez vu ce qui est écrit, frère? Donc vous avez une responsabilité. Quand on est croyant, ça ne veut pas dire qu'on croit les mêmes comme ça. Non. C'est pas ce que ça veut dire. Comme on est en crise maintenant. Si quelqu'un a créé une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Prouve. prouve. Il y a des gens qui préparent ici. Si tu, tu viens lui rendre visite, il ne permet pas que tu ailles chez toi. Chez lui. Il te tourne dehors comme ça là. Tu dis là, la nourriture là-bas. Il peut laisser la nourriture brûler au feu. Parce qu'il sait que. Il dit que oh, le gars, il ne peut pas partir. Il peut verser l'eau là, la nourriture même 4 fois. Même si lui dit que c'est déjà cuit, il dit non, c'est pas encore cuit, c'est trop dur pour cuire. Parce qu'il ne veut pas que tu manges. Vous riez, chez les chrétiens, ça se trouve. Mais c'est vrai. Chez les chrétiens, ça se trouve. Vous voyez, vous venez chez un chrétien, ils sont en train de manger, il ne peut pas dire frère, viens à table, viens manger. Après, il finit la nourriture, son outil, il jette à poubelle. Et vous évoquez le nom du Seigneur Jésus. Et Jésus, lui, quand il marchait avec les gens, ils avaient fait, c'est lui qui les donnait à manger. Il dit à Titi, donnez-leur vous-même à manger. C'est ce qu'il a dit, frère. On a beaucoup de révolutions, beaucoup de choses qu'on a héritées de notre vieille manière de vivre qu'il faut changer. Nous devons comprendre que c'est de notre responsabilité que le voisin, mon frère, soit bien. Ça, c'est d'abord au milieu chrétien. Et le Seigneur dit donc que c'est la marque d'amour là-bas. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il n'a pas dit, mettez une plaque là-bas que Jésus revient bientôt, on saura que je suis là. Jamais. Il n'a pas un verset comme ça. Il n'a pas dit, prenez le micro, criez, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il n'a pas dit cela. Il dit que pratiquez l'amour, on saura que vous êtes de moi. À ceci, tous connaîtront que vous êtes de mes disciples. Si vous avez de l'amour entre eux, entre vous. La marque authentique, des disciples authentiques, c'est la marche dans l'amour. D'accord? Et comment diriez-vous donc que vous marchez dans l'amour si vous n'avez pas la pratique donc, de cet amour? La dernière fois, nous avons lu ici dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 17, que si quelqu'un possède le bien de ce monde-ci, et que voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc le Saint-Esprit pose la question sur ta nouvelle naissance. Donc changeons, d'accord? Changeons. Je veux que tu regardes quelqu'un. Si tu dis changeons. Pratique l'amour. Pratiquons l'amour. Arrêtons de dire. Non, non, parle pas, ne me regardez pas, regardez-le, vous. Parce qu'il serait plat. Dis, arrêtons de dire, je t'aime. Prouve ton amour. Voilà. Parce que le Seigneur nous a dit, quand le Seigneur lui nous a aimé, il a fait quoi? Il a donné son fils. Amen. Et le Seigneur a donné ce qu'il avait de plus précieux. Pas vrai? L'expression de son amour. C'était le Seigneur Jésus manifesté. C'est ça qu'il a donné. Alors, lorsqu'il a donné son amour pour nous, il a donné son amour pour nous lorsque nous étions de ses ennemis. Vous avez remarqué? Suivez bien ça. Il a donné son amour, l'expression de tout ce qu'il avait de précieux. Il a sorti ça de chez lui pour donner aux pécheurs qui étaient ses ennemis. Chez nous, c'est quand on fait quelque chose de bien que je donne un bon cadeau. Lui, c'est quand vous étiez dans le mauvais sens avec lui qu'il a donné le meilleur cadeau. Vous voyez? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre amour ne doit pas être conditionné parce que quelqu'un va vous faire. Tout à l'heure, nous avons lu ici, aimez vos ennemis. Aimez, priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est le principe de la vie chrétienne. Si vous vivez ça, vous n'aurez pas de problème, vous n'aurez pas de crise cardiaque, il n'y a pas d'AVC ni de ces choses-là qui peuvent vous surprendre. Mais vous haïssez quelqu'un, vous avez construit vous-même des barrières contre vos propres vies. Vous attachez quelqu'un sur le cœur, vous avez construit des hauts barrières dans votre propre vie entre vous et Dieu. Donc éloignons-nous de toutes ces choses, d'accord frère? Alors dans ce livre, le titre chapitre 3, verset 14, il dit qu'il faut aussi que les nôtres apprennent à pratiquer de bonnes œuvres afin qu'ils ne soient point sans manquer de fruits. Donc, les œuvres que nous avons à produire, ce sont des fruits qui vont témoigner ou bien qui vont abonder en notre compte. Dans le livre de Philippiens, Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible déclare que nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Vous lisez cela, vous devez vous arrêter pour dire, ok, je dis, je suis en Christ. Ok, dans ce cas, où sont les œuvres que Dieu a préparées pour que je pratique? Parce qu'on a dit que ce n'est pas les œuvres que toi tu vas former. On dit que ce sont les œuvres que lui, il a préparées. Les choses qu'il a réservées depuis longtemps que nous devons pratiquer. Oui, tu es chrétien depuis. Qu'est-ce que tu fais? Quand Saul a été frappé par ce soleil, il a dit que Seigneur, qui es-tu? Quand il a répondu, il a dit que veux-tu que je fasse? Donc, nous, à partir de cet instant, Saul allait avec sa volonté pour tuer les chrétiens. Quand il est tombé en route, sa volonté est finie là-bas. C'était désormais la volonté du Seigneur. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça veut dire que si Dieu dit, reste tranquille, reste tranquille. Quand on a dit maintenant monte, il monte. Maintenant, la voix lui a dit entre dans la vie, on te dira ce que tu dois faire. Il marchait d'après maintenant cette voix. Et cette même voix se tient ici aujourd'hui pour vous dire de marcher droit devant le Seigneur. Amen. Cette même voix se tient ici pour dire marcher droit devant le Seigneur. Amen. Sans laisser aucun obstacle vous embrouiller. Amen. Sans laisser quoi que ce soit, ni qui que ce soit vous empêcher de courir la ligne droite. Et on le regarde toujours sur notre Seigneur. Amen. D'accord? Amen. Maintenant, il est au bout. Il est au bout. Souvenez-vous de ceci. Il est au bout. Il est à côté de nous. Il est près de nous chaque jour. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là. La Bible déclare qu'il était même à côté de nous lorsque nous t'atteignions à le chercher. Il vous a conduit toujours, même dans ces mauvaises choses. Chapitre 7 de 2 Corinthiens. Après je veux arrêter. Quand ceci sera terminé, je vais causer avec chacun de vous, prioritairement les femmes. Mais pour ceux qui veulent avec eux rendez-vous, je vais causer prioritairement avec les femmes. Parce que apparemment c'est un moment où on doit se voir après mardi. J'ai dit 2 Corinthiens, n'est-ce pas? Oui, chapitre 7. Lisons les versets 7, 8 et 9. Allons-y, écoutez ici. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentit à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, écoutez très attentivement ce qu'il apporte pour vous dire. Je ne m'en réponds pas. Et si je m'en suis repenti, c'est car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Stoppons, soulignez là-bas. Les chrétiens modernes disent que le chrétien n'a plus besoin de repentance. La Bible dit le contraire. Il dit, la lettre qu'il a écrite les a attristés. Et ça les a poussés à quoi? Laissons ça, finissons. Reviens encore sur ce verset 9 là, allons-y. Car vous avez été attristés selon Dieu. Vous avez entendu ça? Pourquoi ça fait quoi? Afin de ne pas recevoir de notre part aucun dommage. Oui. En effet, la tristesse selon Dieu produit la repentance. Vous avez entendu ça? À salut. La repentance à salut. Donc on ne se répand jamais. Donc on ne se répand jamais. Quel apôtre, ça va, attends d'abord, frère, fermez pas. Quel apôtre nous avons et quel avons-nous aujourd'hui? Donc l'apôtre d'aujourd'hui dit, le chrétien n'a plus besoin de repentance puisqu'il a été pardonné à la croix il y a cela 2000 ans. Et par conséquent, si le pardon qui a été à la croix il y a cela 2000 ans, c'était à cause du péché, ça suppose donc que tu ne dois plus pécher parce qu'il n'y a plus de mort à donner. C'est une conséquence logique. C'est parce qu'il a pardonné le péché une fois pour toutes et il ne doit plus venir mourir encore pour un péché. Et par conséquent, S'il faut verser le sang pour que le péché soit pardonné et qu'il a déjà versé son sang, tu dois faire attention pour ne plus pécher. Pas vrai? Parce qu'il ne doit plus venir mourir une seconde fois. Ici, l'apôtre Paul nous explique qu'il a envoyé Tite pour aller vérifier comment les Corinthiens étaient. Parce que dans la première épître, justement, quand il avait écrit en disant que vous êtes comme ça, il les a grondés véritablement par rapport à tout ce qui arrivait comme désordre. Maintenant, dans la deuxième, il leur dit maintenant que on est venu maintenant nous donner des nouvelles de vous, de la consolation. Parce que la lettre, là, la personne qui vivait avec la femme de son père, il s'était repenti. Vous voyez, il s'est repenti. Alors, comment il devait faire s'il n'y avait pas possibilité de repentance? Il dit, ok, comme je vis avec la femme de mon père, ma chère veut ça. Hey, il a trop de femmes. Je prends la femme-ci. Je prends sa femme. Il vit comme ça, il doit s'en sortir. Est-ce qu'il devait s'en sortir? Non. Maintenant, la Bible déclare que cette lettre, c'est les a attristés. L'apôtre Paul dit qu'il ne s'en repent pas. Donc, s'il dit la vérité, ça vous choque, ça choque, ça ne lui fait absolument rien, il ne se repent pas. Parce qu'il dit que ça a produit la tristesse dont on se repent devant le Seigneur. Et la repentance qui est donnée par la tristesse de Dieu, là, on ne se repent jamais. Ça lui, on ne doit pas regretter cela parce que je ne regrette pas d'avoir dit la vérité à ce frère-ci. Ça lui fait mal, mais qu'il s'est changé. Vous voyez? Mais la question maintenant, c'est, ces chrétiens, ils sont-ils repentis? Oui. Oui, se sont-ils repentis? Oui. Alors donc, dans ces cas, sur quelle base donc, un chrétien va venir vous dire aujourd'hui que le chrétien a besoin de repentance? Parce qu'ils disent, ils peuvent dire en amusant que on entend les chrétiens dire que Seigneur pardonne nos péchés, alors qu'il a déjà pardonné nos péchés. La Bible dit également qu'il nous a ressuscité ensemble, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Tu es où là maintenant? Hein? La Bible dit, il nous a ressuscité, pas qu'il va nous ressusciter. Dis-lui qu'il quitte la terre. Vous voyez ça? Donc il faut faire et laisser Dieu la place de Dieu et que l'homme reste homme. Je voulais prendre ce passage pour vous montrer que les chrétiens se repentent. Quand vous commettez des péchés, vous devez vous repentir. 1 Jean chapitre 5, prenons ça rapidement là. 1 Jean chapitre 5. Vous avez aidé quelqu'un à ouvrir. 1 Jean chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il ne mène point à la mort, qu'il prie. Vous entendez ça? Attends, ça va. Vous entendez? Quelle est la recommandation qu'on donne ici aux croyants? Si tu vois ton frère, ici on a parlé de qu'est-ce que tu défends, on a de parler? Voilà. Si quelqu'un voit son frère qui commet un péché, qui n'est même pas la mort, qui le laisse parce que ça n'a pas fini. Qu'est-ce qu'il écrit? Oui. C'est pas le moment là, vous ne posez pas de questions. Tu devais poser la question là depuis. Continue ici là. Continue. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Dieu donnera la vie à ses frères. Je veux que vous mesurez le prix de ces versets similaires. Dieu donnera la vie à ses frères. Il donnera la vie à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Puis continue en disant, il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas contre ces péchés-là qu'il demande de prier. Après, il dit, toute iniquité est un péché. Vous avez lu ça? C'est écrit là? Toute iniquité est un péché. Je veux que vous me dites ce que c'est qu'une iniquité. C'est quoi une iniquité? Oui, frère? La transgression de la loi. La transgression de la loi. Ou quoi encore plus simplement? Oui. La désobéissance. La désobéissance. Ou quoi encore plus simplement? Tous les petits péchés qu'on connaît là. Comme par exemple quoi? Donne-nous un exemple. Ça, tu en connais. Fumer une cigarette. En plus, pour lui. En plus, donc lui-même, il a fini par définir sa cigarette comme étant le péché maintenant. Pourtant, il avait dit que nulle part ce n'est écrit. Oh, il s'en est martelé que toute iniquité est un péché, dit la Bible. Donc la Bible n'a pas besoin de spécifier chaque péché. Parce qu'on ne verrait nulle part la masturbation là-bas. Ce n'est pas écrit masturbation. Vous allez voir quelque chose que vous allez introduire en disant que ceci, c'est la masturbation dans le livre de Genèse chapitre 38, avec Judas là-bas et son fils Or là. Où est-ce là, n'est-ce pas? Vous me suivez, frère? Toute iniquité était péché. Jacques chapitre 5. Jacques, j'aurais souhaité prendre brun tous ces passages-là pour vous. Vous brossez, c'est mais je crois que le Seigneur doit mettre ça dans votre âme. Amen. Oui. Donc souvenez-vous, un, vous devez vivre sans les péchés. Deux, vous n'avez pas permettre que des fausses doctrines vous pénètrent. Trois, demandez au Seigneur de nettoyer ce que vous en avez déjà mangé. Quatre, restez et courez droit devant lui en persévérant dans cette carrière-là jusqu'à ce qu'il vous serve. Oui, j'ai dit dans quel livre là maintenant? Jacques chapitre 5. On y va. Verset 14 et suivant. Verset 14. Oui. Je t'écris. À haute voix. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Stoppons là-bas. Parmi vous, c'est ami pour qui? Les chrétiens. Mais il y a d'autres qui enseignent aujourd'hui que non, le chrétien ne peut pas être malade. Mais on dit que la maladie, c'est surtout parmi qui? Paul n'a-t-il pas dit qu'il a laissé Trophime à Milet malade? Si. C'est même pas le moment. Continuons ici. Qu'il appelle les anciens de l'église. Oui. Et que les anciens prient pour lui en loignant Dieu leur. Au nom du Seigneur. Écoutez très attentivement maintenant. Oui. La prière de la foi sauvera le malade. Oui, il y a un problème maintenant. Et le Seigneur le relèvera. Oui. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. On dit ça à qui comme ça? Vous avez entendu? Maintenant, continuons. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Vous avez entendu ça, frère? Vous avez entendu ce que la Bible déclare? Donc quand tu as le péché, tu commets. Donc vous voyez que Satan, de façon spécifique, a envoyé les apôtres pour faire que les gens aient le péché gardé en eux. Pour que ça les soit retenu. Vous comprenez cela? Donc, confessez de façon spécifique les iniquités que vous vivez avec le Seigneur. Vous lui demandez de vous en éloigner. Il va le faire. Quand il va le faire maintenant, marchez dans la sainteté. Purifiez-vous de ce que vous savez que vous devez purifier. Éloignez-vous-en de ce que vous pouvez éloigner. Quand vous voyez la chose dans la Bible, dites de façon claire, éloignez-vous, en ne philosophez pas. Ça ne vous servira pas. On est devenu, à un moment donné, nous sommes à la venue, à l'approche même de l'entrée en scène du Seigneur Jésus. Et on est encore au niveau de, le chrétien peut-il boire? Le chrétien peut-il se marier avec 8 femmes? Je peux aller en boîte de nuit? C'est le temps de ça, frère? Non. C'est l'heure de vous réveiller. On ne se réveille pas pour se brosser pour aller en boîte de nuit? Non. Se réveiller, c'est pour dire que le couple entre à tout le monde. Donc, normalement, on ne peut avoir le temps pour ces choses. Voici ce que vous devez faire. Au lieu de passer le temps dans ces choses-ci, qu'est-ce que je dois faire pour que si le Seigneur vient me trouver à l'heure? Qu'est-ce que je dois faire pour que si le Seigneur vient me trouver à l'heure? Qu'est-ce que je dois faire pour que si le Seigneur vient me trouver à l'heure? Répondez à chaque fois à cette question-là. Vous suivez? Répondez à toutes ces questions-là. La Bible déclare que ceux qui sont mariés se considèrent comme ceux qui n'en ont pas, n'avaient pas de femmes à cause de leur envie. Donc, moi, comme je suis avec mon épouse comme ça, si on est dans l'avion, si l'Allemand vient, tu n'as pas demandé que tu viens ou pas, ça a un clin d'œil. C'est pouf. Si en détail, tu es assis en train de dire que quand je vais arriver là-bas, je vais traiter le gars là. Et l'Allemand, lui, à ce moment-là, tu fais quoi, frère? Donc, veillez. Veillez. Ne permettez pas surtout. Voici l'une des grandes pierres d'achoppement de la vie chrétienne. C'est de retenir les gens sur le cœur. C'est un mal que j'ai vu partout dans le passé. Les chrétiens qui ont des gens sur leur cœur qui gardent, mais qui de l'extérieur disent que je t'aime. Je ne peux pas comprendre ce genre d'hypocrisie. C'est-à-dire que tu dis aux gens, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, mais à l'extérieur, c'est autre chose. L'intérieur, c'est une chose, l'extérieur, c'est une autre chose. Vous comprenez ça, frère? Ça ne doit pas être ainsi. Alors, je vous en conjure, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si vous êtes ici, quelqu'un vous a heurté, vous avez quelque chose contre quelqu'un, ne sortez pas ici que vous n'avez pas réparé cela. Allez vous voir, seul à sortir de mon frère, tu as fait quelque chose qui m'a heurté. Tu m'as blessé. J'avais gardé ça dans mon cœur. Aujourd'hui, je m'en détache. Il te demande pardon. Vous vous embrassez et que ça s'arrête là. Là. Vous comprenez? Ces choses-ci, vous allez laisser les petites choses là-bas dehors. C'est-à-dire que quelqu'un dit que non, il faut être spirituel. Je vois tout par l'esprit. Première chose qui sort de sa bouche, c'est le mensonge. Dans le mensonge, là-bas, on ment là-bas, frère. Il y a des choses fondamentales, les petites choses que vous devez assimiler. Si vous n'assimilez pas, c'est pas ce qui est grand que vous allez assimiler. Vous me suivez? Je vais finir avec cette parole de mon grand frère. Vous permettez qu'on finisse là? Oui. Philippiens chapitre 4, verset 9. Philippiens chapitre 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi... Frère, attends que les gens trouvent. Tu es d'habit, il n'y a pas de problème. Attends que les gens ouvrent leur Bible. La sœur, c'est André Chéré, Philippiens là-bas. Débrouillez-vous quand même, on est à la fin. T'as vu, tu crois qu'avec Romain et avec Somme là, tu peux trouver ma soeur. Tu es dans Jonas, elle a traversé Jonas. Elle est dans Jonas, elle est arrivée. Continue ma soeur, continue, continue. Maintenant c'est Matthieu, continue. Savez, on devait lire ça comme ça, fini là-bas, on ne doit pas trouver. Après elle ferme la Bible, c'est sûr que Philippe n'est pas dans ma Bible. Écris quoi? Écris quoi, frère? Écris les documents. Les documents que les gens lisent. Si elle les écrit, je les distribue. Je vais te dire ce qu'il en est. Les gens sont tellement cupides que dans une ville au Cameroun, si vous allez prêcher dans une station radio, dans cette radio-là, je laisse les enseignements là-bas. Un monsieur qui a la discothèque allait prendre les enseignements parce que c'est gratuitement qu'on distribue. Il est venu dans sa discothèque, il met ça au marché, les gens écoutent. Après, quelqu'un allait là-bas. C'est une femme qui a écouté, qui a cru qu'il est venu cherchant les assemblées là-bas. Ils sont venus là-bas. Ils ont dit que. On a dit, comment tu es venu? Il dit que je suis allé au marché acheter, j'ai écouté l'enseignement chez quelqu'un. Qui t'a donné? On était curieux. La personne allait prendre les enseignements gratuitement. Il vend à chaque personne à 100 francs. Tu vois comment quelqu'un peut chercher la malédiction sur lui. Donc, quand tu viens, tu écoutes les prédications. Il dit, ça m'a touché. Il dit, comment je fais pour avoir ça? Il dit, donne-moi ta carte, moi je te mets ça dedans. Chaque message, 100 francs. Et Dieu sait combien de messages on en a. Donc, il met un message dans ton téléphone portable à 100 francs CFA. C'est la sorcellerie que les gens peuvent chercher. Donc, c'est à cause de ça qu'il évite ces choses. Pour que les gens n'entrent pas là-dedans avec de l'argent. C'est suffisant la voix que vous entendez. Vous avez là la Bible écrite, lisez la Bible. Ne cherchez pas des documents. Lisez la Bible, les Saintes Écritures. Si vous lisez la Bible et que vous avez la personne qui l'a inspirée à l'intérieur de vous, c'est suffisant. Amen. C'est suffisant. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Il faut qu'il vienne. Si elle vient, et là, c'est ça, là où le passage sera vrai. Je vais citer un passage d'écriture. Je ne sais pas de vous dire quelque chose. Ce n'est pas une prophétie. J'ai dit, cite la Bible. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 20 à 27, il dit pour vous. Il dit ça au sujet de ceux que vous trouvez, vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et comme son onction vous enseigne, et comme son enseignement est vrai, demeurez en lui. D'accord? Maintenant, vous êtes dans Philippiens chapitre 4, n'est-ce pas? Verset 9 maintenant. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Vous avez entendu ce que mon grand frère parle là? Donc il est sûr qu'en vivant tel qu'il a prêché, Dieu avec vous. Alors frère, tu vois maintenant avec ce qui est écrit ici, on peut tout simplement dire, point de sensation pour dire qu'on est baptisé du Saint-Esprit. N'essayons pas de nous convaincre que nous avons le Saint-Esprit. Nous devons savoir que nous l'avons. Nos œuvres parlent nos fruits parlent, notre intérêt parle pour dire oui ou non, on l'a reçu. Parce que quand vous mangez, checkez, vous savez exactement à quelle heure vous avez mangé. Vous savez quand vous avez mangé. Ce n'est pas quelque chose que vous dites, hey, c'est passé à moi. Peut-être quand c'était ça qui était venu. Il ne vient pas en cachette, il vient, tu sais. D'accord? Alors, 1 Jean chapitre 4, verset 13. 1 Jean, le chapitre 4, verset 13. 1 Jean, chapitre 4, verset 13. Attends, frère. Tu es trop fort là. 1 Jean, c'est vers la fin, là, vers le livre d'Apocalypse. Donc, pendant que vous allez le trouver, souvenez-vous, même à l'église de Thyatire, si vous lisez Apocalypse chapitre 2, verset 5, le Seigneur Jésus lui donne les reproches. Avant de donner les reproches, il dit que je connais tes œuvres. Tes œuvres plus nombreuses, les premières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Donc, le Seigneur Jésus a identifié qu'à Thyatire, les gens avaient beaucoup d'œuvres. S'ils viennent à notre époque, c'est maintenant. Qu'est-ce qui va retenir de nous? Je parle de ceci parce qu'on vous dit, non, on ne doit pas pratiquer les œuvres, on doit pratiquer. Il n'y a pas de vie, pratique, vie chrétienne sans pratique. On doit vivre la parole. Verset 13, chapitre 4 de 1 Jean. Nous savons. Vous regardez ça. Donc c'est une certitude. Nous savons que nous demeurons en lui. Oui. Et qu'il demeure en nous. En ce qu'il nous a donné de son esprit. Vous avez vu ce qui est écrit là? Donc voici la preuve certaine que je suis en Christ. Et que certainement je lui appartiens. La preuve c'est que il te donne son esprit pour dire propriété privée. Et la Bible déclare qu'on doit savoir ça. Nous savons que nous demeurons en lui. Parce que quand il nous baptise de son esprit, il nous prend pour nous plonger dans l'esprit. Nous savons que nous demeurons en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous savons que nous demeurons en lui, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Donc la preuve que nous sommes en Christ, c'est qu'il nous a donné l'esprit. La question est tout naturelle. A-t-il donné l'esprit pour vous? La question doit être répondue individuellement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est terminé. Qui a donné ceci? Ah, il n'y a pas de problème, moi je prends. Donc, toi, on a fait ça. Maintenant, ça va. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Restez en paix. Amadi, plaise à Dieu, d'accord? Amadi, plaise à Dieu. Bien, donc sans nous tarder, on va lever pour le prier. Ok? Nous allons donner. Frère Lambert va donc encore la réunion par la prière et nous allons nous préparer. Notre Père Céleste, nous voulons vraiment te dire merci. Parce que tu nous as encore donné l'occasion d'entendre ta parole. Père de bonté, maintenant que nous allons nous séparer, nous voulons que cette parole demeure en nous et que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés. Et que ton esprit désormais nous conduise entièrement. Ô Père de bonté, sois avec chacun de nous, garde-nous Seigneur, pour que nous nous retrouvons ici davantage. Père, que l'honneur, la gloire de vie. Et que ton seul nom soit glorifié d'éternité en éternité. C'est au nom de Christ Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen. Amen.